le plus que parfait est un temps, dit-on, plutôt, plutôt, plus trop usité de nos jours, mais pas sur Pluton. Il ne pleut plus trop, dans les plaines il fait chaud, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, y a plus de pluie, mais pas sur Pluton. Se lever pour le boulot, de plus en plus tôt, si pour toi c'est de plus en plus souvent, ça n'existe pas sur Pluton. Nous on n'en a qu'une, c'est nul l'unique lune, si tu veux plus de lune, sache qu'il y en a quatre sur Pluton. Francis Rocard et François Forger, nous les suivons, ils vont ce soir nous faire voyager jusqu'à Pluton. All right. Alors ce soir, vous l'avez compris, je vais vous annoncer des surprises. Et alors, il y avait la première surprise, c'était la chanson de Xavier. Alors, Xavier, merci beaucoup. Et puis des surprises, historiquement, on en a eu énormément avec Pluton. Quelle étrange planète. À l'époque où on considérait encore que c'était une planète, hein, ce qui a changé évidemment. Donc une planète qui est plus petite que notre Lune, déjà. Et puis, elle est la planète la plus lointaine, entre 30 et 46 unités astronomiques, c'est-à-dire que sa distance est entre 30 et 46 fois celle qui sépare le Soleil de la Terre. Donc, elle est vraiment extraordinairement loin. Elle tourne autour du Soleil dans un sens inverse à celui des autres planètes, et dans un plan qui est légèrement incliné par rapport à ces autres planètes également. Ah non, pas dans le même sens alors. Ah ben, je croyais que c'est dans le sens inverse. Un peu incliné. Bon, déjà, c'est pas mal. Bon, elle d'accord. Elle tourne dans le sens inverse. Elle tourne dans le sens inverse. D'accord. Bon. Ah. Alors, ils vont se mettre d'accord. Ils vont se mettre d'accord. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. On a résolu. Vous avez résolu. Alors, vas-y, prenez un micro. Prenez un micro. Elle tourne. Nous sommes d'accord. Elle tourne autour du Soleil, évidemment, dans le même sens que les autres. Ouais. Mais elle tourne sur elle-même dans le sens inverse. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. C'est sa rotation sur elle-même qui est inverse de celle des autres planètes. Voilà, on a trouvé. C'est bon. Et puis, une année sur Pluton, c'est 90 000 jours terrestres, donc 247 ans. C'est long, quand même. Hein. Son axe de rotation est également très incliné, à 60 degrés, alors que nous, c'est 23... degrés. Et puis d'elle, finalement, on savait finalement assez peu de choses jusqu'à ce que la sonde New Horizon la survole à seulement 11 000 km d'altitude. C'était le 14 juillet dernier. Et là, effectivement, des montagnes de surprises. C'est un corps qui finalement est très complexe, qui a été découvert, presque un nouveau monde, avec des montagnes de glace d'eau qui flottent sur des mers d'azote glacé, des cryovolcans, des pluies de suie noire, et puis une énorme forme de cœur qui se trouve sur elle, gigantesque, qui ajoute, je crois, à la sympathie qu'on peut déjà ressentir pour Pluton. On va donc en parler ce soir. On va en parler avec vous. Je vais venir jusqu'à vous. Je vais vous passer le micro et vous allez pouvoir poser vos questions directement. On va en parler sur Twitter aussi avec nos tweetos qui sont là ce soir et puis qui sont en lien avec... tous ceux qui veulent s'exprimer sur le sujet. Et vous pouvez aussi vous réagir et raconter ce que vous vivez ce soir sur Twitter avec le hashtag KnessTweetUp. On a Xavier qui est là, vous le savez. Et puis on a surtout nos deux invités de ce soir. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Francis Rocard et François Forget. Merci à tous les deux de votre présence. Grand merci à François Forget, entre autres, et en particulier parce que figurez-vous qu'il est normalement il devait participer à une réunion justement pour New Horizon avec tous les scientifiques qui participent à ça, de vidéoconférence évidemment, et voilà, il s'est détaché quelques heures pour nous. Donc, ce soir, on va avoir le temps de revenir en détail sur Pluton et tout ce qu'on a découvert, mais j'aimerais vous poser, vous, François Forget et Francis Rocard, avant toute chose, la première question, c'est à quel titre vous exprimez, qu'on fasse un petit peu connaissance avec vous. Puis ma première question, ce sera, quelle est la plus grande surprise que vous avez qui vous a le plus étonné finalement dans ce qu'a découvert New Horizon. Alors Francis Rocard, qui êtes-vous d'abord et avant toute chose, et ensuite on va demander la même chose à François Forget. Alors, qui je suis? Donc moi je suis au Centre National d'Études Spatiales et je m'occupe des programmes d'exploration du système solaire, donc de tout ce qui tourne autour du Soleil, sauf le Soleil lui-même. Il se trouve que c'est pas dans ma juridiction, on va dire. Alors, qu'est-ce qui m'a étonné le plus dans... Ah bon, on va écouter, on va d'abord entendre François Forget, savoir qui vous êtes, et puis on va vous poser la question ensuite. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis chercheur au CNRS, et ma spécialité, c'est d'étudier donc les planètes du système solaire et au-delà. Et en particulier, je m'intéresse tout spécialement aux atmosphères et aux glaces, aux glaciers dans le système solaire, via plein de missions, et notamment, je suis membre de l'équipe New Horizons, et donc j'ai pu participer à cette chouette aventure. Ok. Alors, Francis Rocard, ce qui vous a le plus étonné, là, avec New Horizon? Oui, je précise tout de suite qu'il y a 4 Français, je crois, membres de l'équipe New Horizon. Qu'est-ce qui m'a étonné le plus? Une grande diversité, des zones extrêmement lisses. Vous savez que dès qu'une surface est... Le seul moyen qu'on a de dater une surface, c'est de compter le nombre de cratères, et puisque les cratères s'accumulent avec le temps, et si la surface n'est pas resurfacée, c'est pas très joli à dire, mais eh bien c'est comme ça qu'on arrive à avoir les Callisto étant par exemple satellite de Jupiter, l'une des surfaces les plus anciennes qu'on connaisse, et dans le cas de Pluton très cratérisé. Alors Callisto, oui, ouais. Oui, extrêmement cratérisé. Donc sur cette image, notamment en Sputnik Planum. Alors vous dites sur cette image, donc c'est la première page du petit livret qui se trouve sur vos tables. Hein, vous pouvez vous y reporter. Donc vous avez des petits livrets sur vos tables. Et si vous regardez la première image, on a une magnifique image qui donc a été prise par New Horizon. Voilà, une image en couleur un peu renforcée. Retravaillée, ouais. Oui, pour mieux voir les différences de teintes. Donc ce fameux Sputnik Planum, qui est une zone totalement dépourvue de cratères. Et ça, c'est très étonnant. C'est ce qu'on voit là, c'est cette masse blanche, hein, voilà. Au milieu. Et donc, il s'est passé quelque chose, c'est évident, puisque... Après, on reviendra sur les bombardements, parce que c'est pas si simple que ça dans le cas de ce qui se passe au-delà de Neptune. Mais manifestement, vu qu'il y a des cratères un peu partout ailleurs, et pas là, eh bien, il s'est passé des choses, et relativement récemment. Même si je crois qu'on n'est pas capable de mettre une date dans tout ça. D'accord, donc c'est ça qui vous étonne, le fait d'avoir des surfaces qui ne soient pas cratérisées, qui soient jeunes finalement, ça témoigne donc d'une certaine activité de ce corps, François Forget. Oui, donc est-ce que je réponds à la question? Allez-y, d'abord votre plus grande surprise. Alors, ma plus grande surprise, moi j'avais un point de vue un petit peu différent, ça fait des années que je travaille sur Pluton, donc on avait imaginé des choses et on savait déjà des choses. Et la grande surprise, c'est que Pluton a été encore plus... riche que ce qu'on pensait, et tout particulièrement, si je suis précis, on savait qu'il y avait sur Pluton des glaces d'azote, des glaces de CO, de monoxyde de carbone et des glaces de méthane. On savait qu'il y avait beaucoup de glaces d'azote. On imaginait qu'il y aurait un cycle saisonnier, donc moi j'avais personnellement modélisé ça, exploré ça, et la grande surprise c'était qu'il y en a tellement que ça forme des calottes polaires et des glaciers, et donc des paysages qui sont sculptés par les glaciers, comme en Antarctique, comme en Groenland, un peu comme dans les Alpes, et ça fait que ça fait des paysages magnifiques. Et comme moi j'aime les montagnes, j'aime les régions polaires sur Terre, j'étais enchanté. Alors, est-ce qu'on les a, là, ces glaciers dont vous parlez dans nos images? Si, pour donner le meilleur exemple de ce que je viens de dire, on pourrait aller à la page... c'est la troisième page en partant de la fin. et qui est notée numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit donc une vue rasante de Pluton. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette image, on y reviendra. Mais pour on voit à droite de l'image... On voit le bord de ce glacier qu'on appelle Sputnik Planum, qui a été nommé informellement Sputnik Planum. Dont parlait Francis Rocard à l'instant. Exactement. Et ça, c'est un glacier de glace essentiellement d'azote. Et alors, évidemment, sur Terre, on n'a pas de glace d'azote parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais là, cette glace est environ 38-40 Kelvin, donc ça fait moins 235 degrés. et donc on a bien de l'azote en équilibre avec l'atmosphère. Et ce que l'on voit pas trop, c'est que en fait vous avez des glaciers qui coulent des différentes montagnes autour, et on voit sur le bord des reliefs très marqués. Alors à gauche, hein, les reliefs très marqués. Des reliefs très marqués, donc ce sont des montagnes escarpées avec des falaises. Et pourquoi sont-elles comme ça? Tout indique qu'elles ont été en fait sculptées par l'écoulement des glaciers, exactement comme sur Terre. Et donc c'est d'ailleurs, si vous allez à l'image terrestre qui est en face, on voit ce qu'on appelle des Nunataks au Groenland. Alors, c'est juste la page qui se trouve derrière, si je puis dire, ou à côté. Ça, c'est les Nunataks. Alors, regardez, là, les Nunataks. Il y a écrit Nunatak dessus. Voilà. Cette page-là. Allez-y, François Forget. Et donc, ce sont des on voit que c'est bien connu dans les Alpes, mais c'est encore plus marqué au Groenland, que l'écoulement des glaciers autour des montagnes sculpte des falaises et fait des reliefs très escarpés. Et sur Terre comme sur Pluton, ce sont des montagnes qui atteignent jusqu'à 3 à 4 000 mètres de haut, donc des immenses falaises grâce à cet écoulement de glace. Et donc, c'est magnifique. C'est magnifique, absolument. Alors là, ce qu'on voit sur Terre... Oui, allez-y, Francis Rocard. Est-ce que pour autant, on peut dire que ce sont les glaciers qui ont fabriqué les montagnes? Je ne crois pas. Donc, le problème de l'origine des montagnes est une énigme. Puisque pour faire des montagnes, il faut de la tectonique des plaques, il faut que ça pousse. Est-ce que ce sont les glaciers qui ont fabriqué les montagnes? Alors, mon point de vue, c'est que... On a eu effectivement, on voit que si on regarde cette fois-ci plus facile, on va à la page 1. Alors, on retrouve la première page. On retrouve notre belle image que Francis Rocard avait commentée il y a quelques instants, qui est écrite Pluton en bas à droite. Si on va sur la partie gauche de l'image, on voit les terrains anciens que Francis a mentionné tout à l'heure. Avec des cratères. Ils sont assez marqués par des cratères. Et en fait, lorsqu'on regarde attentivement, je vous invite à aller voir cette image sur Internet. Elle existe à extrêmement haute résolution et c'est absolument fascinant de se promener. On peut vraiment se promener littéralement sur Pluton grâce à cette image qui existe en version 250 mégas. Donc, wow. Vous pouvez y aller dessus. Et donc, on voit quand même qu'il y a pas mal de reliefs. Et quand on date ces reliefs-là, on voit que ce sont des reliefs probablement assez anciens. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une activité géologique, donc qu'on pourrait même dire tectonique, au sens où il y a eu des compressions, des failles, des choses comme ça. Ça signifie que la surface s'est déformée. Hein. Exactement. C'est pas, on a vu de fait de faire l'abus de langage de dire tectonique des plaques, donc d'imaginer des continents, comme sur Terre. C'est pas pareil. Là, c'est juste de la géologie active. Et on voit que au bord du glacier, le relief est tout particulier. Et pour moi, mon interprétation, mais c'est juste une interprétation que certains ont dans l'équipe, mais bon, il y a des débats, c'est que en fait, ce que l'on voit au bord du glacier, c'est ce que vous appelez le glacier, c'est cette partie très blanche, hein, ouais, ce qu'on appelle Sputnik. Eh bien, ce relief qu'on voit autour du glacier, qui est un peu particulier, si vous feuilletez, vous verrez des images, des zooms là-dessus. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Et donc, en fait, on voit bien que le relief autour du glacier, par exemple, si vous trouvez une image qui est intitulée « Les montagnes au bord du glacier Sputnik Planum ».« Les montagnes au bord du glacier Sputnik Planum », donc c'est cette image-là avec deux grandes bandes noires. On voit que là, les montagnes ont subi en plus une érosion, un processus plus récent, tout à fait, c'est moins cratérisé. Et à mon avis, ce processus-là, qui est le plus marquant, qui crée ces montagnes très escarpées et qu'on retrouve qu'autour du glacier, mon sentiment, c'est que c'est lié à l'activité glaciaire. Mais le tout partant d'un relief plus ancien, lié à une tectonique, une activité géologique, il y a plusieurs milliards d'années. Voilà mon interprétation, mais on peut en débattre. Hein. Oui. Alors, débat scientifique, Francis Rocard. Bon, tu as probablement raison, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, tu ne l'as pas encore dit, mais d'abord, ces montagnes, c'est de la glace d'eau. C'est de la glace qui est plus dure que des roches, alors que justement la glace d'azote est plutôt fluide, puisqu'elle coule en glacier. Et pour que les glaciers mous poussent une montagne dure, il faut qu'à un moment ça soit ramolli en dessous. Donc ça pose le problème un peu de l'origine de la chaleur qui a permis à ces montagnes de se créer. Parce que, enfin, sauf si tu dis que les glaciers ont poussé les montagnes, c'est ça que tu dis? Je suis pas sûr que c'est ce que disent les... Monsieur le PI de New Horizon. Mais pour l'instant, ils disent on comprend pas. Et personne ne comprend. Mais est-ce que des glaciers d'azote peuvent pousser des montagnes de glace d'eau? C'est ça la question. Et je pense qu'il faut quelque part que ce soit un peu ramolli. D'où la question de la source de chaleur, qui est une énigme. Parce qu'on sait que dans les corps planétaires, il y a eu de la chaleur au début, notamment avec les éléments radioactifs de longue période, partout, tous. Donc un cœur chaud. Avec uranium, thorium, plomb. Il y a 4,5 milliards d'années. Ou 4,5 milliards d'années, ouais. Tout ça s'est mis gentiment à décroître. Donc il y a eu une source de chaleur interne, ouais, dans tous les corps. Mais il semble, alors il y a des gens qui disent qu'il y en a eu plus sur Pluton, dans Pluton. On n'en sait rien. Parce qu'il faudrait pour vous de la chaleur pour fabriquer les montagnes finalement. C'est un petit peu tout le débat en ce moment. Voilà, c'est ça. C'est quelle est la source de chaleur, sachant que dans d'autres corps comme Io, premier satellite galiléen de Jupiter, on sait que la source de chaleur c'est un effet de marée avec Jupiter. Mmh. Là, ça marche pas. Ouais, là, l'effet de marée, c'est pas moi qui le dis, hein, mais tout le monde le dit. L'effet de marée ne fonctionne pas. Donc, quelle est la source de chaleur qui a permis à Pluton d'avoir une... on peut penser que les glaciers ont coulé, même à 30, 35 Kelvin, ça je veux bien le penser. Je ne peux pas imaginer que ces mêmes glaciers ont poussé les roches de glace d'eau, c'est ça que je dis. Donc, d'un côté, dans le débat. Ah oui, non, mais il est important ce débat parce que c'est un vrai mystère, hein, quand même, là que vous posez, Francis Rocard, c'est-à-dire finalement, on voit des montagnes, on aurait pu imaginer une surface assez lisse, un monde complètement froid qui n'a pas bougé depuis des milliards d'années, et on s'aperçoit que c'est pas le cas. Il se passe des choses, ça coule, ça bouge, ça flotte, c'est très curieux ça. Et donc Francis Rocard dit, il faut un moteur chaud, et vous dites, il y a un moteur chaud ou il y a pas de moteur chaud? Alors, Mon sentiment, c'est que effectivement, quand on a eu les premières images au mois de juillet, on a été tous très interloqués par ces montagnes, et en particulier, on avait l'impression que les montagnes sur toute la surface, celles que l'on voit sur cette première photo, semblaient récentes, c'est-à-dire que bien sûr, la zone blanche est complètement récente. Donc là, on revient à la première photo, voilà. Hein, et vous parlez des montagnes, celles qu'on voit dans la zone rouge. Hein. Exactement, et le reste des montagnes semblait relativement récent aussi géologiquement. Alors depuis, on a fait un inventaire des cratères, et on a revu, on se rend compte quand même que ces surfaces-là sont finalement assez anciennes. Elles datent de plus de 3 voire 4 milliards d'années. Donc ce sont des montagnes anciennes qui se sont créées il y a un bon petit bout de temps, quelques milliards d'années quand même. Ouais, tout à fait. Donc dans la jeunesse de la planète, c'est-à-dire une époque où effectivement, comme Francis le mentionnait, on pouvait imaginer qu'il y avait eu quand même une source de chaleur interne plus importante, c'est comme pour toutes les planètes, elles viennent de la crétion initiale, quand ça se forme, c'est chaud, puis des éléments radioactifs qui chauffent un petit peu. Et alors ensuite, il faut bien voir que c'est un endroit assez exotique comme pour de nombreux corps autour du système solaire, c'est que ce sont des corps qui ont été créés à basse température, et on sait, en calculant la densité de Pluton, qu'elle elle est composée de roches comme la Terre, mais avec énormément de glace d'eau. On peut estimer qu'autour d'un cœur de silicate, de cailloux, quoi, de 900 000 km, on a au-dessus une croûte de glace, un manteau de glace d'eau qui fait 200-300 km. Ah, c'est si on fait une coupe de Pluton. Voilà. Alors là, ça change la perspective. Il faut bien imaginer qu'on a donc cette espèce de manteau de glace d'eau. Et la glace, donc à cette température-là, ça se comporte comme du caillou. Mais quand ça fond et que ça fait de la lave, ça fait de la glace d'eau. Ça fait de l'eau liquide, je veux dire. Donc la grande spéculation actuelle, c'est de savoir si on a eu dans le passé ou même encore maintenant, en dessous d'une croûte évidemment glacée, extrêmement froide, un océan ou des nappes d'eau liquide qui ont pu être présentes autrefois, profondément. Et bien sûr, ça permet une activité géologique assez importante. Et toute l'analyse de la géologie de Pluton, telle que fait l'équipe New Horizons, est très liée à cette idée qu'il y a eu un océan ou pas. Et donc, ça oriente beaucoup l'analyse donc des failles, des montagnes que l'on peut voir un peu partout. C'est est-ce qu'on a besoin d'un océan ou pas? Mais c'est assez exotique, quoi, par rapport à le... Donc, le mystère que tu mentionnais, un petit peu moins fort que tel qu'on en discutait cet été, à cause de la datation des surfaces qui paraissent finalement assez anciennes. Ancien. Donc on se retrouve avec plein de montagnes, mais des montagnes qui se sont formées dans la toute jeunesse de Pluton. Donc à la limite, on s'en sort si on réfléchit là-dessus. Enfin, il n'empêche que des montagnes de glace d'eau de 2000 mètres. 2000 mètres d'eau, oui. Oui. Il y en a même de 5000, dis-je. Allez, va, 5000. François Forget. Mais c'est rarissime dans le système solaire. Ce n'est pas quelque chose de courant. C'est très très rare. Il y a des cratères, il y en a partout. Des montagnes, c'est un processus particulier quand même. Donc le processus a eu lieu ici. On s'attendait pas à voir des montagnes, ça c'est clair. On s'attendait à voir un Callisto, des ronds partout, c'est-à-dire des cratères, mais pas des montagnes. Ouais. Monsieur Francis Rocard ne fait pas l'erreur d'Icare. Il butine les planètes comme une abeille, mais n'ira pas sur le soleil. Ah non. Ni sur Pluton d'ailleurs, il dit. Il ajoute non, ni sur Pluton. Ok. Donc vous l'avez remarqué, on est entré de plein pied dans le sujet, directement, la bonne dure science, hein, aussi dure que les cailloux de glace d'eau qu'on trouve sur Pluton. Mais c'était important quand même parce que c'est vraiment un mystère important sur Pluton. Voilà, d'où viennent ces escarpements, ces montuosités. Avant de vous passer la parole, je voudrais vous poser quand même une question. On va quitter un petit peu la science et pour savoir un petit peu comment vous avez, vous, vécu, ressenti. Où est-ce que vous étiez le 14 juillet 2015 et comment est-ce que vous avez vécu ces premières images que vous avez, qu'on a reçues l'un et l'autre? François Forget. Alors, je l'ai vécu de deux manières. La première, c'est un peu de frustration. Pourquoi ? Parce que à la réunion d'équipe qu'il y a eu juste avant le survol, Alan Stern, qui est le responsable de la mission, très charismatique, est venu me voir très gentiment. Il m'a dit « François, on a un problème. Tu pourras pas venir pour le survol. On n'a pas l'autorisation. » C'était quand, ça ? La réunion ou le survol ? Le survol était donc le 14 juillet 2015. Combien de jours avant ? Oh, c'était au mois de mai. D'accord. Et c'est dommage parce que effectivement c'était je pense un moment extraordinaire d'être présent pour ce survol. Ouais. Donc ça donc j'ai pas pu y aller. Il y avait des différents problèmes techniques, il y avait pas d'européen, il y en avait un seul européen dans l'équipe qui s'appelle Brian May. Qui connaît Brian May ? Brian May c'est le guitariste de Queen. Ouais, d'accord. Et qui, après avoir été rockstar toute sa vie, a découvert que ce qui était le plus cool, c'est de faire de l'astrophysique. Donc, il a terminé sa thèse d'astrophysique, elle avait commencé quand il était jeune. Et après, il a un petit peu rejoint les Hacking New Horizons, il aime beaucoup l'imagerie stéréo, enfin, c'est assez marrant. Il est pas tout jeune, hein, je voulais vous dire, mais, mais en tout cas, lui, il a eu le droit c'est le seul européen au survol. On sent comme une pointe de jalousie. Donc finalement, le 14 juillet, quand même, il y a quelque chose de formidable. Il y a eu toute une équipe, des gens de l'Association Française d'Astronomie, etc., je crois, qui ont organisé avec la Villette un événement qui était à la Villette. On était avec Francis et on a pu découvrir quelques premières images. C'était assez chouette, comme toujours pour ces missions spatiales, de pouvoir commenter, raconter un petit peu cette aventure-là. Donc vous étiez... à la Cité des Sciences. Oui, voilà, comme on le fait dans pas mal d'événements planétaires. C'est Gilles Davidovitch, hein, pour ne pas le nommer, qui est un peu moteur dans tout ça, de la SAF, Société Astronomique de France, et qui a le contact avec la Cité avec la Villette. Et donc, on a organisé un événement en temps réel. Tu étais là, et moi aussi. Et on a vécu cet événement avec les premières images obtenues pratiquement Enfin, on s'est calé au moment des premières images. Ouais. François Forget, un petit commentaire supplémentaire avant de... Je vais juste préciser pour vous raconter comment ça... il y avait quand même un petit peu d'émotion dans toute cette aventure parce que vous avez donc... La sonde a été lancée il y a 10 ans à peu près exactement. Et elle devait survoler à très très grande vitesse, à 13 km par seconde, le monde de Pluton. Donc, 13 km à la seconde, hein, c'est l'objet le plus rapide envoyé par l'homme, je crois. Au moment où il est parti de la Terre, c'était le plus rapide, mais il n'a pas autant bénéficié que les sondes Voyager, pour ceux qui connaissent. Les sondes Voyager ont été de Jupiter à Saturne, Voyager 2 à Uranus et Neptune, et donc à chaque fois, ça les a accélérés. New Horizons a utilisé cette méthode d'accélération gravitationnelle uniquement sur Jupiter, ce qui fait qu'il ne va pas plus vite que Voyager 1. Mais ce n'est pas grave. D'accord. Ça reste un objet très rapide. En gros, il fait 1 million de kilomètres par jour. Donc, rien que ça, d'accord. Ouais. Ce qui fait que... Un jour, donc il a fait ce survol le 14 juillet. Un jour avant, il était à 1 million de kilomètres. Donc on était loin. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on passait tellement vite que la sonde avait été programmée pour ne rien faire d'autre que photographier le système de Pluton, qui est compliqué. On y reviendra. Il n'y a pas que Pluton. Il y a les lunes. Il y a une grosse lune qui s'appelle Charon. Il fallait faire toutes ces mesures très rapidement, regarder le soleil se coucher avec les spectromètres, etc. Donc plein d'expériences à faire très très rapidement en quelques heures. Et donc on est parti pendant 9 ans. Ça faisait 9 ans qu'on voyageait et tout se joue en quelques heures. Exactement. Et alors surtout. Ce qui s'est passé, c'est que comme il n'y avait pas le temps de communiquer avec la Terre, pendant 24 heures, la sonde n'a absolument pas communiqué. Elle était programmée, elle faisait son boulot et tout le monde attendait de savoir si elle allait survivre. Et il y avait un peu de suspense. Survivre ? Survivre pour deux raisons. La première, c'est que malheureusement, quelques jours avant le survol, elle a fait une panne, ce qu'elle n'avait jamais fait. C'est une sonde extraordinaire qui n'était jamais tombée en panne. Elle est tombée en panne 10 jours avant. Ouf. Une petite panne. Bon, c'était, elle... Parce qu'elle était en test. Parce qu'elle était en test. Oui, mais elle était, ça fait 5 ans qu'elle est en test. Oui, non, c'est pas tout à fait ça. Elle est tombée en panne. Elle est tombée en panne parce qu'il y a eu un conflit de. Enfin, je pourrais revenir si vraiment ça vous passionne. C'est assez technique. Mais heureusement, la panne a été trouvée très vite. Heureusement, parce que c'est très difficile de réparer New Horizons. Elle était à 4h30 lumière. Donc, si on envoyait une commande pour essayer de débugger, c'est un problème informatique. Qu'est-ce qui est écrit là? Il fallait 4h30 pour que la commande arrive et puis 9h aller-retour. C'était impossible. 4h30 pour avoir la réponse de la sonde. 4h30 pour qu'elle y arrive et 4h30 pour qu'elle revienne. Donc, c'était pas possible de la réparer. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, surtout, c'est qu'elle passait à très grande vitesse au milieu de ce système qui est très riche avec les planètes, avec les lunes, etc. On pouvait imaginer qu'il y ait des poussières dans ce système. Et on avait même énormément étudié ce problème-là. Donc il y avait une petite probabilité pour que New Horizons percute une poussière, un petit corps, en passant entre Pluton et Charon. Elle est passée vraiment au cœur du système. Charon, c'est l'énorme lune. Hein, qui est... Bah, elle fait la moitié de Pluton. La moitié de Pluton, énorme, c'est gigantesque. Mais c'est... Comparé à Pluton, c'est gigantesque. Oui, c'est, ça fait 1000 km de, un peu plus de 1000 km de diamètre. Et donc il y avait ce suspense-là. Ce qui fait que... Il y a eu un grand moment d'émotion qu'on n'a pas vécu pour le coup la Villette, mais qui était là juste le matin auparavant. C'est que, après plus de 24 heures d'opération, elle a tout d'un coup s'est tournée vers la Terre et a envoyé un signal et a dit, c'est bon, tout est OK. Et le premier signal, c'était d'ailleurs le contenu d'informations dans la mémoire. Et c'était, les mémoires étaient pleines. Et donc là, c'était super. Là, c'était le moment émouvant et tout le monde était très, très heureux. Mais c'est vrai que c'est un survol. C'est-à-dire que dans l'exploration planétaire, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et oui, mis dans l'orbite, c'est plus compliqué, l'atterrissage, c'est encore plus compliqué, etc. Néanmoins, là, on avait un survol extrêmement complexe qui se jouait en la partie proche, c'est-à-dire que l'orbite des lunes était franchie en 4 heures à peu près. Tout se jouait très rapidement, il y avait des mesures avant, des mesures après, mais en gros, l'important, c'était ça a duré quelques heures. On entrait dans le système lunaire pendant quelques heures, c'est ça? Il se trouve que on est quasiment perpendiculaire. Si vous prenez le diamètre de l'orbite de la lune la plus éloignée, dont j'ai oublié le nom, ça se franchit en 4 heures. D'accord. Et tout est automatique. Et d'ailleurs, je me suis posé une question. Est-ce qu'il y a un inservissement de la sonde sur la cible? Ou est-ce que tout est programmé en aveugle? Vous connaissez la réponse ? Oui, c'est tout programmé en aveugle. Tout programmé en aveugle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que la sonde sait ce qu'elle doit faire, mais elle n'est pas assurée qu'elle est en train de photographier quelque chose. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire que quand elle vise Nyx, est-ce que Nyx est dans le champ ? Nyx, c'est l'une des lunes. Voilà, donc il ne faut pas se tromper. Et j'ai lu un article très intéressant dans un journal que je ne connais pas d'ailleurs. C'est la personne qui fait les calculs. Et cette personne qui est très contente parce que tout s'est très bien passé. Et elle précise à la fin que le survol a eu lieu à 88 secondes près et à 45 km d'altitude par rapport au point le plus proche de Pluton. D'accord. C'est-à-dire que le survol a été excellent. On n'est pas passé à 45 km au-dessus de Pluton. Non, 45 on est passé près des 12 000 qui étaient prévus. Des 11 000 km prévus, voilà, c'est ça. Et ça veut dire qu'il fallait une précision incroyable. Ouais. Pourquoi ? Surtout pour ce qui intéresse François, c'est-à-dire les aspects occultation. Mmh. Il fallait passer derrière le Soleil, derrière Pluton, mais aussi passer derrière Charon pour mesurer la pression de l'atmosphère. À un moment très précis. Bah, surtout passer bien derrière. Oui, c'est ça. Pour faire les mesures. Ouais. Et faire la mesure au moment où on est exactement derrière, avec la liste qui est le spectre UV. Mmh. Donc tout ça était d'une précision incroyable. Mmh. Et à ma connaissance, tout s'est parfaitement bien passé. Mmh. Ah bah, bravo. Parce qu'on aurait pu ne rien avoir. Ouais. Il suffisait que Pluton se décale... De 5 degrés, et il faisait tout son bazar dans le vide. Voilà, c'était quand même extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Mais ne sois pas jaloux. Tu es un champion, François. De Pluton. patron de Pluton. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? François Forger, on le voit partout, il est ce soir ici, il est dans Ciel et Espace, il est dans les journaux télévisés, on le voit partout. Hein. Non, c'est... Et puis c'est le champion de Pluton, c'est certain. Alors on va passer à vos questions maintenant, je suis sûr que vous en avez, donc n'hésitez pas, vous êtes loin, je viens jusqu'à vous, vous êtes prêts, ben, je suis tout prêt, je viens jusque là-bas, vous levez la main et puis on va pouvoir une petite discussion directement entre vous et puis nos invités, monsieur. J'avais deux questions sur la planète Pluton. La première, j'ai entendu dire que le ciel de la surface de Pluton serait bleu, c'est-à-dire à cause de l'atmosphère. Est-ce que c'est vrai? Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut, si on était sur Pluton, qu'est-ce serait la luminosité qu'on aurait? Est-ce que c'est une impression d'éternel de crépuscule ou est-ce qu'on voit bien la lumière? Francis Rocard, laisse François Forge s'exprimer. Alors, il y a eu plein de questions là. Alors, pour ce qui concerne l'atmosphère, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Alors, sur Pluton, il y a une atmosphère, d'ailleurs, que l'on voit sur les photos, si vous regardez bien, si vous feuilletez. Alors, quelle photo? Ah oui, alors on la voit, c'est très léger là. Mais je pense qu'il y en a une où on voit mieux ça mieux. À contre-jour. Je vais vous la trouver là. Alors, c'est une atmosphère d'azote, comme sur Terre. Voilà, celle-là là. Mais qui est 100 000 fois plus fine en pression. Il y a à peu près la pression à la surface est 100 000 fois plus faible que sur Terre. Donc c'est une atmosphère très fine. S'il n'y avait que du gaz, on ne la verrait quasiment pas. Alors vous pouvez regarder donc l'image qui est toute noire avec écrit au-dessus en jaune « Atmosphère de Pluton ». Donc une image toute noire avec le halo de l'atmosphère de Pluton. Alors si c'était que du gaz, on ne la verrait pratiquement pas. Mais il se trouve que c'est une atmosphère avec donc, essentiellement de l'azote et un petit peu de méthane. Et le méthane... Le méthane, ouais. Ouais, du méthane, CH4, voilà. Et le méthane, dans ces conditions-là, comme sur Titan, comme sur Saturne, comme sur bien des corps, lorsqu'il est exposé au soleil, en particulier au rayonnement extrême ultraviolet, ça casse les molécules de méthane. Les molécules de méthane sont cassées, CH2, CH3, ça forme des réactions chimiques, ça fait des polymères, en fait, donc des molécules de suie, si vous voulez, du plastique, ce que vous voulez, ce qu'on appelle des tolins dans notre jargon. Et donc, ça fait des aérosols qui sont en suspension, avec des molécules très compliquées. Des mini poussières. Des suies, ouais, tout à fait. Et qui, alors elles sont très très petites, hein, moins d'un micromètre, et qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on voit, ces brumes dans l'atmosphère. Et en particulier, on les voit très très bien quand on voit l'atmosphère à contre-jour. Ça favorise la vue de cette atmosphère-là, grâce à ces brumes-là. Alors c'est magnifique. En plus, on a eu la bonne surprise. Alors, je dois dire, qu'on avait prévu cela avec mon collègue, mon étudiant Tanguy Bertrand, que ces brumes s'étendent jusqu'à 200 km d'altitude, donc on les voit très bien. Et surtout, elles sont vues depuis le cône d'ombre de Pluton, comme on voit là, elles sont bleutées, effectivement bleutées. Alors pourquoi bleutées? On a envie de dire que c'est comme sur Terre. Alors pas tout à fait, parce que si vous étiez sur Terre au même endroit, vous verriez une atmosphère rouge. Ah. Parce que l'atmosphère est épaisse et les rayons, alors c'est un peu compliqué, hein, les rayons du soleil sont déviés comme ça par la réfraction et en même temps ils sont absorbés, le phénomène du soleil couchant qui est rouge, et puis finalement quand les rayons quittent l'atmosphère de la Terre pour aller donc dans le cône d'ombre lorsqu'on est de l'autre côté par rapport au soleil. Le cône d'ombre. Oui, et ils sont rouges sur Terre, c'est pour ça par exemple quand il y a une éclipse de lune, vous avez déjà vu, la lune passe dans le cône d'ombre, elle est rouge. Parce que c'est l'effet soleil couchant. Mais là, on n'a pas cet effet-là parce que l'atmosphère est beaucoup plus fine. On n'a pas la réfraction. Il reste juste la diffusion de ces fines particules. Et la diffusion des fines particules, c'est le même phénomène pour le coup. Là, on est d'accord que ce qui fait que le ciel est bleu sur Terre. Donc, c'est ce bleu-là qu'on voit. Dans notre jargon technique, ça s'appelle la diffusion Rayleigh. Et donc, on voit cette brume bleue. Et c'est vrai que quand on est à la surface, on peut penser, quand on est côté nuit, le soleil est déjà couché. Mais ici, il éclaire encore les brumes. On les verra, ces brumes. La preuve, c'est que quand on prend les images côté nuit qui ont été obtenues par New Horizons, on augmente énormément le contraste. On arrive à voir la topographie éclairée par les brumes au-dessus. Alors, c'est faible, hein. Par contre, maintenant, comment est la luminosité sur Pluton? Pluton, donc, est à 30 fois la distance Terre-Soleil, 32 fois au moment du survol. Pour les physiciens et présence, la luminosité, le flux lumineux, c'est au carré de la distance, donc ça fait à peu près 1000 fois plus faible que sur Terre. On va se dire, oh, il va faire super sombre. Donc, pas le soleil, tant que ça. Le soleil, normalement, la lumière serait 1000 fois moins intense que sur Terre. En termes d'intensité. Ouais. Mais l'œil est extrêmement sensible. D'accord. Ce serait effectivement un peu comme un crépuscule, comme un jour sombre. mais pas. On verrait quand même quelque c'est chose. C'est pas la nuit. D'accord. C'est pas la nuit. D'accord. Juste pour compléter, la pression de Pluton, c'est beaucoup moins d'un millième que la pression de Mars. La pression atmosphérique. Hein. Et la composition est très voisine de la composition de Titan. Et dernière remarque, là, les fameux tollens dont tu parles, c'est le rouge que vous avez sur les images. C'est ce qui tombe en pluie fine. Et c'est donc une des façons aussi de voir là où la surface est très ancienne. Elle est plus sombre, plus rouge, alors que, encore une fois, ce petit planoon est très blanc, donc très récent, n'a pas été recouvert de tollens. Bonsoir. J'ai cru comprendre que la sonde Horizon avait encore une tonne d'informations à disposition et qu'elle elle envoyait toujours les informations. Donc jusqu'à quand et est-ce que le meilleur est à venir? Alors oui, elle va mettre à peu près un an à tout transmettre parce qu'elle est très loin et donc elle transmet à un rythme qui est lent et qui est fonction de la disponibilité des grosses antennes des 70 mètres qui sont pas 100% dédiées à Pluton, donc à New Horizon, je veux dire. Mais le résultat, c'est qu'effectivement, ça met un an. Et donc on a pas du tout la totalité actuellement. Et notamment sur les petites lunes, il y en a une qui est relativement bien cartographiée. Les autres, on n'a pas encore les images à haute résolution. Oui. Alors, on les aura pendant combien de temps, ces images pendant combien de temps est-ce qu'on va être encore envoyé? Jusqu'en septembre de cette année, c'est ça, à peu près? Ouais, on espère un peu plus vite maintenant, mais ouais. Ça, à peu près ça, ouais. Jusqu'en septembre, parce que finalement le débit est très faible, alors il ne faut pas qu'on soit trop pressé. Ah, c'est le bas débit. Ah, tu prenais un micro, sinon. Il n'y a rien à faire. Oui, oui. Il y a juste à transmettre. Dit Francis Rocard. On a quand même pris. Il y a quand même il y a une notion de priorité. On peut choisir les images, etc. Donc on attend des bonnes choses. Mais je dirais que j'espère que le meilleur est à venir, mais on a quand même déjà maintenant rapatrié tous ceux qu'on peut imaginer être vraiment formidables. Donc il reste quelques spectres, il reste des images très haute résolution de la caméra haute résolution LORI. On n'a pas encore... on a fait tout un ensemble, si vous prenez l'image de la première page, et puis vous imaginez, on a des images très haute résolution qui couvrent tout le centre de l'image en biais. On n'en a récupéré qu'une partie de celle-là. Et puis il manque pas mal de spectres et de données dans ce qu'on appelle d'occultation radio, plus mais ça va venir. Mais je pense quand même que les découvertes les plus incroyables sont, je pense, déjà arrivées. Et j'espère me tromper. J'espère me tromper. Monsieur. Merci. Vous nous avez dit que le CH4 était décomposé dans l'atmosphère de Pluton. Est-ce que ça aboutit à des composés organiques qui auraient pu se diffuser dans le système solaire? Alors... Oui, ça aboutit à des composés organiques compliqués, des molécules tout à fait intéressantes. Il y en a l'endroit où on voit ça de la manière la plus spectaculaire, c'est sur Titan, où on a là pour le coup, si vous regardez une photo de Titan, vous voyez même pas la surface tellement elle est obscurcie par les brumes organiques dont on parlait à l'instant, et ça fait des molécules très très compliquées. On essaye de simuler ça au laboratoire, notamment en France, et on arrive à des choses des molécules organiques très très assez fascinantes. Molécules organiques, c'est-à-dire qui comprend du carbone, et hydrogène. Carbone, hydrogène, de l'azote. De l'azote. Et puis voilà, essentiellement tout ça, ouais. Hydrogène, azote, et ça fait des choses assez toutes sortes de molécules. On pourrait décrire, mais une chimie très riche. Alors c'est pas non plus des protéines. Hein. Ça reste des molécules relativement simples, mais de grande taille, donc des polymères. Alors, est-ce qu'elles se diffusent dans le système solaire? On peut pas dire ça, parce qu'elles tombent sur leur planète, elles n'ont pas vocation à se balader, pas plus que les grains de sable du Sahara vont se retrouver sur Mars. Voilà. Alors, allez-y, Francis Rocard. Oui, elles ont quand même vocation à quitter Pluton, puisque c'est les mêmes qu'on retrouve sur Charon. Et le Mordor de Charon, c'est les Tollens de Pluton. Le Mordor de... Peut-être, c'est ce qu'on pense. Mordor. Et c'est ce qu'on appelle le Mordor. Qu'est-ce qu'on appelle le Mordor? C'est la partie sombre sur Charon. D'accord. Le pôle Nord. On a une image de Charon. Paul, elle est oui, là. Oui, bien sûr, mais je la cherche quand même. Donc, actuellement, l'hypothèse qui est retenue, c'est l'avant-dernière image. Cette couleur vient des Tollens de Pluton. Donc, il y a un phénomène d'échappement, non seulement du gaz, mais ça, on s'en doutait, mais également probablement des poussières qui vont jusqu'à Charon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton et Charon sont tous les deux phases loquées. Phases loquées. Phases loquées, ça veut dire qu'il y a une face de Pluton qui voit Charon tout le temps. Une face, oui. Une face. Oui, oui. Et inversement, il y a une phase de Charon qui voit Pluton tout le temps. Ça. L'autre ne voit Pluton jamais. C'est comme nous qui voyons une seule face de la Lune. C'est sauf que là, on n'est pas complètement phase loquée. Nous, on tourne encore. On n'est pas doublement. Mais dans peut-être un milliard d'années, on ne tournera plus. D'accord. On sera phase loquée avec des gens qui auront la chance d'avoir la Lune tout le temps et les autres qui ne verront la Lune jamais. Mais d'accord. Ça, c'est pour dans longtemps. D'accord. Est-ce qu'on peut dire un mot de Charon, justement? Alors, c'est un système double, finalement, ce Pluton et ce Charon. Il y en a un qui fait le... C'est plus qu'un système double. C'est une planète binaire. Ils tournent ensemble autour d'un point qui est central, qui se situe entre deux. Exactement. Hein, c'est pas comme... En fait, il y a deux systèmes comme ça dans le système solaire. Oui. Il y a Terre-Lune et Pluton-Charon. D'accord. Il y en a pas trois. Ouais. Il y en a deux. Et effectivement, Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, par exemple, sur Mars aussi, il y a des lunes. Non, mais là, ce qui est extraordinaire, oui, c'est la taille de la Lune par rapport à la planète. Ah, d'accord, c'est ça. Notre Lune fait, je crois, 1% de la masse de la planète, Terre. Oui. Et Pluton, je connais pas le chiffre, mais c'est énorme par rapport à la masse de la planète. Et il n'y a pas d'autre équivalent ailleurs. Si vous prenez la masse de Europe par rapport à Jupiter, c'est des 10 millièmes de pourcent. Donc, voilà, c'est un cas tout à fait unique de ce point de vue-là. Alors, monsieur parlait de matière organique. Tout à l'heure, François Forget, vous avez évoqué la possibilité qu'on ait un jour de l'eau liquide. Excusez-moi, mais je suis obligé de poser la question. On y pense tous, on s'intéresse tous à cette question de la vie dans l'univers. On sait qu'il y en a peut-être sur Mars, peut-être sur Europe, sur d'autres corps, évidemment. Alors là, sur Pluton, on est très très loin, très très loin du Soleil, de sources de chaleur. Mais néanmoins, voilà, de l'eau liquide, de la matière organique. Est-ce qu'on pourrait avoir des molécules qu'on appellerait prébiotiques, c'est-à-dire que si le système avait pu poursuivre son action chimique, eh bien, on serait un jour arrivé à quelque chose qui aurait pu ressembler à la vie, ou est-ce que je délire complètement? Non, c'est pas un délire, parce que c'est vrai que quand on réfléchit, on se pose la question de la vie dans l'univers, ce que même les plus sérieux se la posent, parce que c'est vraiment intéressant. Eh bien, rapidement, quand on essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut pour la vie, etc., pour la chimie telle qu'on peut l'imaginer, bon, vous connaissez tous la réponse, généralement, on se dit, le truc qui est vraiment nécessaire, c'est de l'eau liquide. Oui. Donc on a mentionné qu'il pourrait y avoir, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide profondément sous la croûte de Pluton. Aujourd'hui encore. Oui. D'accord. Mais ce n'est pas tellement exceptionnel en fait, okay, parce que tous ces corps glacés qui sont autour des autres des planètes géantes, en particulier en partant de Jupiter, etc. Beaucoup, on pense, sous une croûte de glace, bien sûr, solide, ont un océan d'eau liquide en sandwich entre deux couches de glace ou entre un manteau rocheux et de la glace. Et c'est le cas même pour Titan. On évoque ça pour Ganymède, Callisto, etc. Alors, ok, c'est intéressant. Est-ce que la vie, si vraiment la vie démarre n'importe où il y a de l'eau liquide, même dans le noir, même quand il n'y a rien à manger, pourquoi pas? Mais dans le genre, je suis pas sûr qu'on va considérer comme Pluton l'endroit le plus intéressant, ouais, pour rechercher la vie. Mais dans le genre, les endroits les plus intéressants restent quand même les endroits où, par exemple, la croûte de glace est plus fine, par exemple autour d'Europe, auquel on peut accéder l'eau. Europe, c'est pareil, une couche de glace et un océan, mais là, sous quelques kilomètres de glace, beaucoup plus facile, avec on voit une vraie activité, on pense qu'il y a un océan. Et où, alors, un autre exemple, c'est un satellite de Saturne qui s'appelle Encelade. Et là, on pense qu'il y a une mer près du pôle sud et qu'il y a des geysers qui est en éruption régulièrement. Donc, oui, ok, la glace, l'eau liquide souterraine pourrait être propice à la vie, mais Pluton est quand même un endroit particulièrement compliqué pour étudier ça. Mais ce que vient de dire François, il y a 20 ans, on ne le disait pas. C'est-à-dire que maintenant, les modèles, effectivement, prédisent l'existence d'un océan liquide sous la glace pratiquement dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Donc, satellite galiléen, donc Europe, Ganymède, Callisto, Encelade, Titan, maintenant Pluton. Donc, ça devient plutôt la règle que l'exception. Et je me suis dit, l'épaisseur de la glace sur Europe, c'est entre 20 et 200 km. Hein, donc, c'est très compliqué. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est plus simple de chercher la vie sur Mars. Même si elle n'existe plus aujourd'hui, on recherche une vie ancienne. Aller chercher la vie sur Europe, ça sera plus complexe. C'est plus loin. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour creuser ces 20 km de glace? Alors, il y a peut-être des astuces. Il y a peut-être des lacs à des profondeurs beaucoup moindres, puisque sur Europe, vous savez, il y a ces traînées très étonnantes. Donc, on se demande s'il n'y a pas de l'eau liquide encore plus près de la surface que l'océan lui-même. Mais bon, tout ça, c'est... On a une mission en préparation qui s'appelle JUICE. Mais voilà, elle part en 2022, elle va arriver en 2030. Donc, vous voyez, il faut être patient pour être patient. On en a. Il n'y a pas de problème. On a attendu l'arrivée du New Horizon. On attendra JUICE. Pas de problème. D'autres interventions? Je vais passer la parole à... Alors, tout d'abord, bonsoir. Je tenais à parler de la photo de Charon que vous nous avez donnée. On aperçoit sur Charon une différence entre les deux hémisphères. On a un hémisphère nord plutôt rocheux, je dirais, et un hémisphère sud complètement plat et recouvert de cratères. Quelle est votre théorie là-dessus? J'ai envie de répondre, vous. Non, c'est un sujet. Alors, cela dit, c'est pas exceptionnel, hein. Charon ressemble quand même un peu à des satellites de planètes géantes, etc. Bon, ma théorie, pour faire très simple, après, il y a des subtilités, mais c'est que c'est un corps... Là encore, quand on estime l'âge des surfaces, ce sont quand même des surfaces assez anciennes. On imagine que Charon est né d'un impact gigantesque entre deux corps. On pense qu'il y avait une espèce de proto-Pluton et un proto-Charon, vous imaginez, qui se sont percutés il y a 4 milliards et demi d'années ou 4,4, 4,3 milliards d'années, ou vraiment au début du système solaire. C'est là où c'est vraiment le plus probable. Donc ça fait tout un dame, des corps se sont accrétés en orbite l'un autour de l'autre. Tout ça a été très chaud, et puis avec beaucoup de glace. Et puis ça a fait et quand tout ça s'est refroidi, il y a eu assez longtemps une activité géologique qui a créé, en particulier lors du refroidissement, ces espèces de failles, cette falaise impressionnante. Vous voyez que la falaise que l'on voit au milieu de Charon fait plusieurs kilomètres, enfin la falaise, c'est un effet d'optique, hein. Enfin il y a ce relief, le décroché de relief fait plusieurs kilomètres d'altitude, donc c'est quand même assez spectaculaire. Et puis derrière, la théorie exacte, pourquoi il y a une partie qui semble différente de l'autre, etc. C'est vraiment du débat. Là, la question que vous posez, vous pouvez la poser dans un congrès scientifique maintenant, aux gens de New Horizons, et ils vont répondre, moi j'ai tel avis, c'est vraiment de la science en action. Mais il y a, c'est quand même, on voit ça sur d'autres corps, donc il y a plusieurs théories possibles, c'est déjà répertorié quand on a vraiment une dichotomie comme ça entre plusieurs aspects. Voilà, je ne sais pas si Francis t'as envie d'ajouter quelque chose là-dessus. Tu as utilisé le mot dichotomie. C'est vrai que sur Mars il y a une forte dichotomie et c'est un sujet de débat. Entre l'hémisphère sud et nord aussi, ouais. Voilà, entre l'hémisphère sud et nord et une différence d'altitude entre les deux hémisphères qui atteint 6 km. Donc l'origine de la dichotomie, ça a fait beaucoup l'objet de débats. Là, c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que l'hémisphère sud est lisse, quoique cratérisé, et l'hémisphère nord est complètement chahuté. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est à droite, presque au limbe de cette photo, il y a des espèces de trous. Donc, est-ce que ce sont des cryovolcans? Et il y en a un qui est une espèce de montagne enfoncée dans un trou. La photo de Charon, c'est vraiment étonnant. Il y a une espèce de montagne enfoncée dans un trou qui est très mystérieuse, quoi. On ne sait pas très bien si c'est un gros bloc qui s'est enfoncé dans la glace. Bon, là, je rigole, hein. C'est pas sérieux, mais c'est vrai que cette chose est assez curieuse, quoi. C'est ni un cratère, c'est pas une montagne, ou alors c'est une montagne qui est entourée de dépressions. Donc c'est très étonnant, cette chose. Plus un énorme canyon qu'on voit pas sur cette image, mais qui était sur les images à moins bonne résolution qu'on avait auparavant, qui était extrêmement profond. Mais au moment où cette image a été prise, le canyon est derrière. Donc on la voit pas. Je voudrais ajouter, faire une petite aparté, désolé si je vole le temps de questions, pour mentionner quelque chose qui est assez amusant à vivre quand on fait cette exploration. C'est comment on nomme, quand on explore comme ça, quand on est explorateur, c'est assez amusant parce qu'on a le droit de nommer tout ce qu'on veut. Alors, pas exactement comme on veut, l'équipe a eu une certaine autorisation pour proposer des noms. Alors, ça s'est pas fait n'importe comment, il y a eu un site web qui a été créé il y a avant le survol, où tous les gens de tout le monde pouvaient proposer des gammes de noms. Alors, il y a plusieurs sortes de noms possibles. Il fallait soit des noms liés au monde des ténèbres, alors pas seulement dans la mythologie, vous allez voir, ou alors des explorateurs ou des grandes missions d'exploration spatiale. C'est pour ça qu'on a par exemple cet endroit le plus intéressant, l'endroit le plus intéressant sur Pluton. Donc c'est ce glacier qu'on appelle Sputnik Planum. Certains disent qu'il a une forme de cœur. Voilà, c'est la partie gauche du cœur. C'est la partie gauche du cœur. Soit dit en passant, bon, Sputnik, bien sûr, c'est le premier satellite, c'est formidable, mais c'est quand même remarquable qu'une mission de la NASA ait nommé l'endroit le plus important du nom de Sputnik, qui avait quand même été une forme d'échec pour la NASA il y a 50 ans. C'est vrai, bel effort. Et bon, je sais d'où ça vient. Il y a des rebelles dans l'équipe. Et puis, vous avez tout un ensemble de missions. Il y a des communistes, vous voulez dire, à la NASA. Ouh là là. Et puis, donc il y a des missions, bien sûr, américaines, pas mal, des missions japonaises, etc. Il y a un petit bug qui est lié à nous. Il n'y a pas tellement de missions européennes qui sont citées pour cartographier. Sinon, il y a des noms d'explorateurs, des anciens collègues planétologues qui sont morts il y a quelques années. Pour la France, on a Jacques-Yves Cousteau, qui a une montagne sur la droite, au-dessus du cœur. Ah, sur Pluton. On a une petite montagne qui s'appelle du nom de Jeanne Barret, qui est une... Qui connaît Jeanne Barret? C'est une Française, la première femme qui a fait le tour du monde en bateau, dans un bateau à voile, il y a longtemps, au XVIIIe siècle. Et puis, voilà, il y a tout un ensemble de noms. Et ce qui est marrant, c'est que le monde des ténèbres, je vous ai dit, on prend des noms qui ne sont pas nécessairement liés à la mythologie classique, puisque, effectivement, on a Balrog Makula, donc, qui vient de Tolkien... On a Cthulhu, qui vient de Call of Cthulhu, c'est Lovecraft. Et ça, c'est pour Pluton. Pluton, c'est assez sérieux. Mais alors, sur Charon... On s'amuse. Sur Charon, l'équipe s'est plus amusée, parce que là, elle a été vraiment cherchée dans le folklore actuel. Et donc, vous avez sur les différentes zones... Alors, si vous regardez, on aura du mal à vous citer. Allez, on retourne sur le. Non, mais vous aurez du mal à voir. Alors, vous avez différentes zones. Vous avez la zone plutôt en bas, c'est la zone Star Trek. Vous avez le cratère Captain Kirk, Spock, vous avez tout ce qu'il faut... Un peu plus haut à gauche, vous avez la zone Star Wars avec le cratère Organa en solo. Et puis encore au-dessus, vous avez une zone sur Alien, donc vous allez avoir Nostromo, Ripley. Ah bon, on en a parlé la dernière fois, on a fait tout un mardi d'espace sur Alien. Eh, formidable. Il y a un mois. Et donc voilà, vous avez été entendu l'importance de Alien. Alors c'est super de dire ça, je ne sais pas si ça va être retenu. Effectivement, la zone sombre, oui, en haut, c'est Mordor. Parce qu'il faut que ce soit normalement validé par l'Union Astronomique Internationale. Voilà, l'espèce de Nations Unies des astronomes. D'accord. Mais il faut qu'ils aient des bonnes raisons pour dire non. Alors s'ils disent oui, dans 500 ans, les futurs chercheurs qui étudieront Charon se diront « Mais qui c'était Captain Kirk ?» Donc ça va être marrant quand même. Mais ce qui est vrai pour nommer des reliefs sur une planète n'est pas vrai pour Curiosity qui nomme des roches sur Mars. Ouais, Curiosity, c'est un rover, hein, qui roule actuellement sur la planète Mars depuis bientôt 3 ans. Je veux dire par là que cette nomenclature n'a pas besoin d'être validée par l'UAI. Ah oui. Oui, oui, ça c'est juste, c'est une affaire interne, on va dire. Au lieu de dire le troisième caillou en partant de la gauche, ben on lui donne un nom, c'est plus simple. Mmh. Voilà, mais c'est maintenant tout le monde utilise ce nom, mais c'est très différent d'une nomenclature vue depuis l'orbite d'un relief qui elle doit être validée par l'UAI. Alors la planète Pluton, à l'époque c'était considéré comme une planète, a été découverte je crois en 1930 si je ne me trompe pas, et vous savez comment on a choisi le mot Pluton? J'ai cru comprendre, j'ai lu que c'était une petite fille, il y avait aussi eu un concours, c'est une petite fille qui a proposé ça, et que ça s'appelle Pluton parce qu'il faut des dieux grecs, ou romains en l'occurrence, et aussi parce que PL, les premières lettres, c'est les lettres de Percival Lowell, oui, qui était le milliardaire qui a financé toute la recherche astronomique qui a permis de découvrir Pluton. L'observatoire avec lequel, ouais, Pluton a été trouvé. Ouais. Parce que Clyde Tombaugh a utilisé... Clyde Tombaugh, c'est le découvreur. Hein, le c'est découvreur le, a utilisé, a travaillé à l'observatoire de Flagstaff, qui était l'observatoire payé sur fonds privés par Percival Lowell, qui était un milliardaire. Industriel. Ouais, industriel. C'était, ouais, l'homme des canaux martiens, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais. Percival Lowell. Qui en avait c'est lui trouvé... qui pensait qu'il y avait des canaux. Il en avait vu 400. 400, c'est bien. Pour une illusion c'est d'optique, bien, c'était bien, oui. mais vous savez que l'histoire de la découverte de Pluton, c'est un faut petit que vous peu, nous le racontiez, là. Un petit peu la redite de l'histoire de Neptune, qui a été découverte par la plume de Le Verrier, c'est-à-dire par les calculs de Le Verrier, qui était le directeur de l'Observatoire de Paris à l'époque. Les perturbations de l'orbite d'Uranus prédisaient Neptune. Et il a demandé à un astronome allemand d'aller observer dans telle région, et bingo, il a trouvé Neptune comme ça. Et après, ça a été recommencé. Ça, c'est fort, quand même. On s'est aperçu que l'orbite d'Uranus et l'orbite de Neptune étaient perturbées, et les calculs montraient qu'il devait y avoir une planète, quelque part, là où probablement Pluton se trouvait. Après des recherches très très longues, Clyde Tombaugh et d'autres, à l'époque, ils ont aussi cherché la planète X, mais celle-là, ils n'ont jamais trouvé. Au moment où ils ont trouvé Pluton, ils se sont dit, ben, ça y est, on a trouvé la cause de la perturbation de Neptune. Il a fallu attendre 78, date à laquelle... 1978, date à laquelle on découvre Charon. Ah, et oui. Vous savez que c'est à partir du moment où on a une lune que l'on calcule précisément la masse de l'objet. Avant, on le faisait par l'albédo, mais il y avait des hypothèses. Et donc, avec la découverte de Pluton, de Charon, on confirmait ce qu'on pressentait déjà, c'est-à-dire que Pluton n'explique pas la perturbation de Neptune. Donc finalement... C'est le système Pluton-Charon qui l'explique, c'est ça? Du tout. Ah, même pas. D'accord. Rien n'explique la perturbation pas. De Neptune. Ah bon. Conclusion de l'histoire, on a trouvé Pluton par hasard. Par hasard, oui, c'est ça. Et d'où de toute une réflexion. Est-ce qu'il y a plein d'autres Plutons par ailleurs là-haut? C'est probable. Et c'est d'ailleurs comme ça que certaines personnes, dont Kuiper, on va en parler, parce que ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, c'est les objets transneptuniens, c'est-à-dire c'est tous les astéroïdes qui sont au-delà de Neptune. La petite histoire, j'ai vérifié sur Wikipédia, hein, c'est qu'en fait, Kuiper a prédit qu'il n'y avait pas de ceinture de Kuiper. Vous vous rendez compte de l'histoire? Et l'histoire a retenu que cette ceinture porte son nom. Oui, hein, il faut bien que tu rappelles ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Je viens de le dire, c'est les objets transneptuniens au-delà de Neptune. Non, mais donc, c'est la deuxième ceinture d'astéroïdes au-delà de Neptune. Oui. Non, aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 objets détectés. On a Pluton qui fait partie de cette ceinture. Oui, oui. Bien sûr. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 objets détectés. Tout dépend si on inclut les centaures. Bon, les centaures, c'est ceux qui sont entre Jupiter et Uranus. Peu importe. Il y a environ un gros millier d'objets qui, aujourd'hui, sont détectés. Et on en détecte typiquement très peu par an. C'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que, d'abord, ils sont très peu lumineux. Et en plus, il faut être très patient. Parce que, à l'inverse des astéroïdes qui ont été détectés en 1800, le premier date de 1800... Ces objets défilent vite dans le ciel. Mais un objet de Kuiper qui fait un tour en 250 ans, comme Pluton, vous devez attendre parfois quelques années pour avoir un tout petit déplacement dans le ciel et pour avoir un semblant de trajectoire. Donc on a l'impression qu'il se déplace très lentement. Donc c'est un travail de bénédictin. C'est-à-dire qu'il faut être une patience terrible. C'est-à-dire qu'il faut faire les observations. Et je pense qu'il y a beaucoup d'observations stockées, mais on attend de faire la deuxième, la troisième, pour arriver à confirmer que l'objet s'est déplacé, arriver à calculer quelques paramètres d'orbite, et on a aujourd'hui à peu près un millier d'objets. Mais alors pour la petite histoire, Kuiper n'a pas prédit la ceinture, il a même prédit que la ceinture devait être vide. Mais à partir du moment où on a trouvé Pluton, on s'est dit il doit y en avoir d'autres. Et l'argument était très simple, et d'ailleurs c'est une question qui à mon avis va ressortir avec New Horizons. L'argument était au-delà de Neptune, ces chocs qui font que les planètes se forment par accrétion, ces chocs devaient être beaucoup moins importants parce que les objets sont beaucoup plus distants les uns des autres et donc la probabilité de collision est plus faible. Donc c'est pour ça que Pluton a été déclassé, je vous le rappelle. Déclassé, ça veut dire en tant que planète. On ne considère plus comme une planète. Pluton est une planète naine. Ouais. Aujourd'hui, il y a 5 planètes naines. Pluton, Cérès, je ne les connais pas, excusez-moi. Oméa, Makemake et Eris. Il y en a 5. Et depuis 2006, c'est-à-dire date où Pluton a été déclassé, je crois qu'on en a toujours 5. Donc ce n'est pas un chiffre qui évolue très vite. Mais pourquoi Pluton a été déclassé? Parce qu'on n'avait pas de définition d'une planète. Ce qui s'est passé en 1800, ça a été la découverte des astéroïdes. Il a fallu 50 ans pour se dire non, tout ça, ce n'est pas des planètes. On va appeler ça astéroïdes. Eh bien, à partir des années 2000, on a commencé à trouver des petits objets. Là, on a mis 6 ans. Des objets dans la ceinture de Kuiper. Dans la ceinture de Kuiper. Dont Pluton. Monsieur Brown avait 2 planètes à lui tout seul. Un Américain. Il était content. Il était content parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains qui ont des planètes. Justement, Clyde Tombaugh en était un. Et on a mis 6 ans à réaliser qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc l'UAI s'est réunie. Et la question qui a été posée à l'Union Astronomique Internationale, c'est donnez-moi une définition de ce qu'est une planète. Il n'y avait pas de définition. Et la définition, il y a eu 2 votes. Le premier n'a pas fonctionné. Il a fallu que l'Union Astronomique Internationale se réunisse une deuxième fois. Et là, le vote a été à main levée et à peu près unanime. Quelle est la définition d'une planète aujourd'hui? C'est un objet qui tourne autour du Soleil. Comme la Terre et comme Pluton. Terre, qui est suffisamment gros pour être ronde. Comme la Terre et comme Pluton. Mais là, il y en a beaucoup, puisqu'il suffit d'avoir à peu près 500 km pour être sphérique. D'accord. Et le troisième critère, c'est d'avoir accrété tout... les objets qui se trouvent au voisinage de son orbite. Accréter, c'est-à-dire absorber, si je peux dire. Récupérer, absorber. Pour Mars fabriquer a absorbé son corps, voilà. Tout ce qu'il avait, Vénus aussi, la Terre aussi. Mais Pluton n'a pas absorbé tout ce qu'il y avait sur son orbite. Puisque sur son orbite, il y a des milliers, voire davantage d'objets. On en a un gros millier aujourd'hui, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Voilà. Donc Pluton n'est plus une planète. Et du coup, le système solaire n'a plus que 8 planètes. D'autres interventions, peut-être. Moi, je viens jusqu'à vous. Hein. Pas de problème. Alors, monsieur. Une toute petite question par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, si Pluton n'a pas accrété ce qu'il trouvait autour d'elle, est-ce que c'est une question de masse, parce qu'elle n'est pas assez massive? Est-ce que c'est ça c'est ça qui définit en fait une planète? Est-ce que le critère de masse rentre en jeu? Alors, au début, dans le processus d'accrétion, la masse ne joue pas. C'est pas la gravité. C'est juste la probabilité de contact. Des petits grains qui se collent. Voilà, c'est, au début, c'est comme ça que les planétésimaux se forment. La gravité ne joue pas. La gravité joue à partir d'environ 1000 km de diamètre. En deçà, c'est pratiquement négligeable. Donc oui, à partir de 1000, il y a un effet de... mais en gros, ce qui se passe au-delà de Neptune, l'espace est tellement grand que le processus n'est pas terminé. Et probablement, il ne se terminera jamais. Il a un temps de... C'est une espèce d'exponentielle qui a une durée de vie infinie. C'est-à-dire que, en gros, jamais les objets de Kuiper vont s'agglomérer en une planète. Ça n'arrivera jamais. Donc, ce n'est pas des planètes. Madame. Est-ce que je me trompe ou est-ce que de nombreuses comètes viennent de la ceinture de Kuiper ? Oui, oui, absolument. D'ailleurs, c'est comme ça que la ceinture du Kuiper a été pressentie. Alors, il faut revenir à l'origine des comètes. Il y a d'abord un dénommé Monsieur Oort, qui était un astronome scandinave. Je ne sais plus exactement. Norvégien ? Hollandais ? Hollandais. Disons hollandais. Et ce Monsieur Oort, il a fait... Bon, la Scandinavie va très loin, hein, après tout. Hein, etc. Oui, hollandais. Disons qu'il y a moins de 46 Oort, unités astronomiques entre la Scandinavie voilà. et la Ce monsieur Oort, il a fait des observations très simples. Il a étudié toutes les comètes non périodiques. Et il a obtenu un résultat très simple, c'est que toutes ces comètes non périodiques ont des trajectoires paraboliques. À l'inverse d'hyperboliques. Alors, quelle est la différence ? Alors, vous vous souvenez, dans votre cours de terminale, en tous les cas en dynamique, une trajectoire parabolique, la vitesse à l'infini est nulle. La vitesse hyperbolique, la vitesse à l'infini n'est pas nulle. Ça veut dire que si vous avez une trajectoire hyperbolique, l'objet ne vient d'ailleurs. Il n'appartient pas au système solaire. Il vient du milieu interstellaire et il vient nous rendre visite et il repart. Ça, c'est une trajectoire hyperbolique. Une trajectoire parabolique, il ne quittera pas le système solaire. La vitesse à l'infini étant nulle, à un moment, il s'arrête. Et vous connaissez la loi des airs, quand vous êtes loin du Soleil, vous y restez énormément de temps. Donc statistiquement, les comètes non périodiques passent 99,99999% de leur temps dans le nuage de Oort. Mais comme elles sont sur une trajectoire parabolique, de temps en temps, elles tombent. Et donc, M. Oort a prédit le nuage de Oort. Et ce nuage de Oort, il faut imaginer qu'il est à peu près à mi-chemin entre le Soleil et les étoiles proches. Donc c'est extraordinairement lointain. 100 000 unités astronomiques. Ouais, 100 000. Hein. Pluton, c'est 40, voilà. 30, 40. Là, on est à 100 000. Et c'est une sphère. Bonne remarque. C'est une sphère. C'est pas un plan. C'est pas dans un plan. C'est pas un tore. C'est pas la bouée. C'est pas un pneu. Ouais. C'est pas un pneu. Et donc, on a prédit le nuage de Oort. Alors, ceci dit... Parenthèse, les comètes faisant entre 1 et 10 km, on ne verra jamais, même avec le James Webb Space Telescope, une comète dans le nuage de Oort. Ça, c'est impossible. Le James Webb Space Telescope, c'est le successeur du Hubble. Le télescope Hubble qui va être le grand télescope américain qui aura des performances... autant le Hubble a eu pendant 20 ans des performances extraordinaires, avec le James Webb, on aura des performances en résolution. Bon, il y a aussi des extrêmement larges télescopes au sol, mais c'est un autre sujet. On n'espérons pas trouver des comètes dans le nuage de Oort. Alors après, il y a le problème, c'est qu'il n'y a pas que ces comètes-là. Et le problème, c'est les comètes du nuage de Oort, vous l'avez dit vous-même, viennent de partout. C'est une sphère. Or, il y a une famille de comètes qui, elles, ne sont pas dans la sphère, qui sont ce qu'on appelle les comètes, elles sont plutôt dans le plan de l'écliptique. Donc là, on est dans une ceinture, la bouée, et ça fait partie des prédictions théoriques de ce qu'il doit y avoir un réservoir de comètes dans la ceinture du Kuiper. Alors moi, je fais une petite remarque. On n'en a pas parlé, mais Nix, Hydra, Kerberos et le quatrième. Qui sont les lunes Les quatre lunes, les quatre petites lunes de Pluton. Finalement, ce sont des comètes. Ce sont des comètes, ces lunes ? Bah ça, c'est plein de glace, ça a la taille d'une comète. Ouais. Simplement, c'est un objet qui est en orbite autour de Pluton. Mais si cet objet venait nous voir, c'est exactement une comète. On appelle une comète. D'accord, et c'est bien normal, puisqu'on est dans la ceinture de Kuiper, où il y a plein de comètes en devenir. Voilà. Après, il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les comètes ne dépassent pas 100 km, alors que les astéroïdes, eux, dépassent largement 100 km. En taille. Et, bon... Là, il faudrait demander à des dynamiciens, mais je pense qu'une des raisons, c'est que c'est plus facile de perturber. Vous savez que le grand perturbateur du système solaire, c'est Jupiter, qui fait 80% du job, Saturne faisant les 20% restants. C'est plus facile de perturber un objet léger qu'un objet lourd. Bon. Donc ça expliquerait que les petits objets tombent plus facilement pour devenir des comètes, entre 1 et 10 km typiquement, ou 30 ou 40, pas plus, alors que les gros objets comme Pluton ou comme des objets de 100... Il n'y a pas de comètes qui dépassent 100 km, ça n'existe pas. Or, dans le tableau des comètes, on en a 3900, 873 exactement, peut-être qu'il y en a une qui dépasse 100 km. Donc c'est très particulier les comètes, c'est des objets tout petits, extrêmement riches en glace, mais les objets de Kuiper comme Pluton sont aussi extrêmement riches en glace. Donc pourquoi on n'aurait pas des comètes de 500 km? Moi, c'est la question que je pose. On n'en observe pas. On a des questions ici. Une première chose sur la trajectoire de Pluton. Si je me souviens bien, Neptune fait un tour en 160 ans à peu près et Pluton en 240. Donc il y a un rapport 3,5. Est-ce qu'on a une idée de la... disons, d'un phénomène qui aurait verrouillé Pluton par rapport à Neptune, au point de vue trajectoire, par résonance ou quelque chose comme ça, ou est-ce que ça peut être une simple coïncidence? Oui. Non, c'est jamais une coïncidence. Et ma deuxième question... Attendez, la deuxième question, on verra après. Mais les objets de Kuiper sont beaucoup... très grand nombre d'objets de Kuiper sont en résonance avec Neptune. Donc... ce qui est un peu paradoxal, c'est que les mécanismes de résonance, dans certains cas, stabilisent. C'est le cas, ici. Par contre, vous avez ce qu'on appelle les lacunes de... j'ai oublié son nom, de Irworth, comment il s'appelle, dans la ceinture principale. Dans la ceinture principale, c'est-à-dire entre Mars et Jupiter, vous avez des zones où il n'y a pas du tout d'astéroïdes. Zéro. Vous avez vraiment un trou de Kirkwood, voilà, j'ai trouvé son nom. Les lacunes de Kirkwood. C'est-à-dire que si vous faisiez un graphique du nombre d'astéroïdes en fonction de la distance au Soleil, en prenant le rayon moyen, hein, on ne va pas s'embêter avec l'excentricité, vous avez des trous complets. Et là, les phénomènes de résonance sont instables. C'est-à-dire Jupiter, qui est le grand perturbateur, empêche un astéroïde d'être exactement en résonance avec Jupiter. Soit ça peut être résonance 1,5 ou 2 tiers. Enfin bon, il y a des fractions simples, on va dire. Et ça vous crée des trous. Par contre, au niveau de la ceinture de Kuiper, paradoxalement, ça stabilise. Et énormément des objets de Kuiper sont en résonance avec Neptune. Je sais pas si c'est pas 1/2 ou 2/3. Oui. Faites le rapport entre les deux périodes. L'un fait deux tours pendant que l'un n'en fait qu'un. Etc. Voilà, il faudrait prendre une calculette. Des phénomènes gravitationnels qui font que voilà. C'est peut-être 2/3. Oui. On se synchronise, les corps se synchronisent les uns avec les autres. Oui, je me souviens que c'était déjà dans l'astronomie populaire de Flammarion, c'est d'ailleurs les trous dans la zone entre Mars et Jupiter. Oui, c'est connu depuis longtemps. On n'a pas trouvé, il est probable qu'on n'en trouvera pas. Et en deuxième... Non, mais on n'en trouve pas parce qu'il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une observation. Hein. C'est oui, pas... non, qu'il ne devait pas y en avoir. Oui, oui. Deuxième chose, vous avez parlé de Cérès, je crois. Oui, comme étant une planète naine au même titre que Pluton. Si je me trompe pas, c'est le premier astéroïde dans la série du 19e siècle, et qui a été d'ailleurs, je crois, trouvé le 1er janvier 1801, c'est-à-dire le premier jour du siècle. Oui. Et il se trouve que ça correspond à peu près comme dimension à Charon. Et je me demandais, est-ce qu'on a envisagé de faire une étude pour une sorte de tableau comparatif des deux, puisque c'est... toujours intéressant de comparer les objets qui ont a priori la même taille, je suppose, pour un certain nombre de raisons. Et est-ce que ça peut avoir un intérêt ou est-ce que c'est juste une divagation de ma part? Alors, ce n'est pas tout à fait une divagation. D'une part, il y a des équipes qui... D'une part, on a comparé Pluton avec Triton. Triton étant un satellite de Neptune. Et quand vous reprenez les images de l'un et de l'autre, finalement, ça se ressemble un peu. Sachant que un certain nombre des astéroïdes des planètes géantes sont des objets de Kuiper capturés. Ça s'appelle, dans la nomenclature, ça s'appelle des satellites irréguliers. Le Phobé, par exemple, autour de Saturne, est un satellite totalement irrégulier. C'est un objet de Kuiper capturé par Saturne. D'ailleurs, si vous le regardez, il ressemble à une éponge. Enfin, c'est vraiment étonnant, Phobé. Après, j'ai vu des scientifiques qui s'intéressent, qui comparent effectivement Cérès et Pluton, et qui se demandent si on n'a pas affaire à des objets du même type, ce qui voudrait dire que Cérès serait un objet de Kuiper qui serait, vous savez que ça a quand même ça s'est beaucoup chahuté dans le système solaire. Il y a eu d'une part le grand tac qui est la formation de Jupiter qui dérive vers le Soleil et qui chahute toute la ceinture principale au point de la l'épuiser à 99%. Ça, c'était il y a quelques milliards d'années, hein. Ça, c'est au tout début. Ouais, c'est ça. Donc, juste, Jupiter se forme 20 millions d'années après le début du système solaire, première à se former. Elle migre tout de suite et elle fout un gigantesque bordel dans la ceinture principale, ce qui explique pourquoi Mars est petite. Parce que Mars a perdu du matériau accrété. Et c'est, bon, après, on pourrait discuter, mais c'est Saturne qui fait revenir Jupiter. Mais après, il y a un deuxième phénomène qui, lui, touche et qui s'est passé 700 millions d'années après le début. C'est ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, qui a été prédit par l'analyse des échantillons lunaires vers 3-9 milliards d'années. C'est en fait une mise en résonance entre Jupiter et Saturne, parce que les deux migrants, très lentement, à un moment, ils se sont mis en résonance, et là, ça a extrêmement bouleversé le système solaire. Ça a expulsé Uranus et Neptune, et on pense même que une probabilité non négligeable serait que Uranus et Neptune se sont inversés. C'est-à-dire que Neptune était plus près du Soleil et est devenu plus loin. Et surtout, ça a déplété, comme on dit dans un mauvais français, la ceinture de Kuiper. Là aussi, de 90%. Et c'est cette déplétion des objets de Kuiper qui sont venus bombarder la Lune, la Terre, Mars, et donc ce grand bombardement tardif qu'on connaît bien dans le système solaire interne. Et je ne sais plus pourquoi je dis tout ça, mais c'était quoi la question ? C'était intéressant. Chérie, tu me prends encore pour un toquet. Je pourrais vraiment partir, et pour de bon. Tous les deux, nous ne sommes pas phase loquée. Tu nous prends toujours pour Charon et Pluton. Pluton et Charon sont phase loquées, ont intérêt à se supporter. Alors que nous deux, plutôt disloqués, en faisant nos vies, on arrive à s'aimer. Oh, comme c'est beau. François Forget, il y a donc des milliers, peut-être, de Pluton, ou davantage encore, sur la même orbite que Pluton. C'est ça l'image qu'il faut s'en faire. C'est l'une des raisons, comme l'a dit Francis Forget, pour lesquelles, Francis Rocard, pardon, pour lesquelles on a déclassé Pluton, et Pluton n'est plus considéré comme une planète classique. Oui, en effet. Alors, c'est pas exactement la même orbite. Hein. C'est les mêmes gammes d'orbites. C'est au-delà de Neptune. Pluton est quand même la plus proche, la plus visible, la plus accessible. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'effectivement, donc on a découvert un certain nombre de corps à partir des années 90, ce qu'a raconté Francis en détail, et en particulier un corps comme Eris fait quasiment la taille de Pluton. Avant New Horizons, d'ailleurs, on pensait qu'il était plus gros, puis finalement... J'ai même vu qu'il avait quasiment la taille, mais il a une masse supérieure à Pluton, d'après ce que j'ai lu. C'est possible. Bon, peu importe. Mais donc c'est ça qui avait déclenché tout ce que l'on a raconté, donc sur le fait qu'il y avait plusieurs corps, et on peut penser qu'il y a un très très grand nombre de corps, y compris de la taille de Pluton, très très loin. Enfin, on manque d'informations. Effectivement, on arrive à faire des familles, etc. Mais il y a pas mal d'objets qui sont assez atypiques, avec des orbites très excentriques. Il y a tout un bestiaire d'objets difficiles à observer, assez intéressant. Je pourrais ajouter un point là-dessus, c'est que donc parmi ces objets transneptuniens, ces objets de Kuiper, hein, c'est la même chose. Il y en a un qui, enfin, donc la sonde New Horizons a été redirigée. Sa mission n'est pas tout à fait terminée, et puis au mois d'octobre dernier, on a rallumé les moteurs pour la rediriger vers un objet, alors pas un très gros objet, un objet de 50 km de taille à peu près, qu'elle va survoler le 1er janvier 2019, et elle fera à nouveau un survol en mitraillant l'objet de photos. Alors ce sera moins spectaculaire que Pluton, bien sûr, mais on continue l'exploration avec New Horizons de cet objet-là. Et donc c'est un objet qu'on suppose glacé et qui, s'il était envoyé vers le Soleil, deviendrait une comète, se chargerait d'une grande tous ces objets sont quand même très riches, ce qu'on appelle dans le jargon en volatile, c'est-à-dire des glaces qui passent en... qui se gazéifie, qui se sublime lorsqu'on s'approche du Soleil, y compris Pluton. Hein. Prenez Pluton, vous l'envoyez près du Soleil, ça fait une grosse comète, mais ça fait une belle comète. C'est vraiment. Et donc, et puis pour conclure cette question, ce point-là, c'est que quelque part, bien sûr, c'est l'objet d'un débat. C'est la découverte de tous ces objets qui a fait que Pluton n'était plus une planète. Alors, ça a vexé beaucoup de gens culturellement. Oui. On est habitué à avoir 9 planètes, c'était simple. Et particulièrement aux États-Unis, beaucoup d'Américains ne sont pas d'accord avec cette idée qu'on a dégradé leur planète. C'était la planète découverte par un Américain. C'était la seule planète découverte par un Américain. Et c'est vrai qu'une partie de l'équipe New Horizons s'est vent debout contre cette décision. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'est Pluton, on voit le système, la richesse du système avec ses petits satellites, ses gros satellites, le système climatique, entre guillemets, de Pluton, c'est un vrai monde, ce sont des mondes, donc ça mériterait d'une planète. Mais non, ça a été dégradé parce que c'est... Mais alors c'est quoi ? Et votre position à vous, c'est quoi ? Il fallait le dégrader ou il ne fallait pas le dégrader ? Alors, ma position, ouais. C'est que c'est pas très important. Pour moi, c'est assez, facile, c'est assez cosmétique. Facile. Et non, mais c'est un peu comme si... Alors j'utilise souvent cet exemple-là, c'est que si autrefois on avait appelé l'Australie un continent, et puis que tout d'un coup on dit bah non, c'est pas un continent, c'est une île au milieu de l'Océanie, je ne sais pas quoi. Alors, bon, ok, mais ça change rien pour les kangourous, pour l'intérêt de la géologie fascinante de l'Australie. Donc au premier ordre, moi ça me fait pas grand-chose. Le deuxième ordre, c'est que finalement c'est une forme. Alors c'est ce que dit notre collègue André Braïc, c'est une forme de promotion. C'est-à-dire que Pluton est devenu, et d'autant plus avec New Horizons. New Horizons a découvert ce monde, et Pluton n'est pas seulement... Pendant longtemps, Pluton, c'était un petit objet glacé, lointain, une anomalie. On avait les belles planètes, les petites, les planètes telluriques comme la Terre, près du système, près du Soleil. Après, les planètes géantes, etc. Puis alors, on avait un petit truc glacé, au-delà, avec une orbite bizarre. On pensait que c'était unique, c'était une anomalie. Mais en fait, pas du tout. Maintenant, c'est un objet qui est devenu l'ambassadeur d'une immense, population d'objets, une troisième zone dans le système solaire qui est au-delà de Neptune. La première zone, c'est les planètes telluriques, hein, Mercure, Vénus, voilà, Terre, Mars. Venus, exactement. Ensuite, on a les grandes planètes gazeuses, Mercure, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et puis, voilà, ensuite, on a cette troisième population. Et pendant longtemps, il y avait Pluton, plus petit que la Lune, glacé. Bon, mais en fait, non, c'est d'abord un monde formidable, un système fascinant, unique en plus, unique par plein d'aspects, le système des satellites, etc. Et puis, le représentant de cette immense population, donc, ça, c'est une promotion, disons-le, c'est devenu le chef d'une immense population, alors qu'avant, c'était la dernière des planètes. Francis Rocard, les Américains, ils étaient furieux, non ? En 2006, quand l'Union Astronomique Internationale a pris sa décision, j'ai cru comprendre qu'il y avait une pétition de 300 astronomes qui ont protesté contre cette décision, et puis la très grande majorité était américain, parce que c'était leur planète, c'était la seule planète découverte par un Américain. Oui, il y a eu quelques irréductibles qui ont essayé de... qui ont dit « on reviendra l'année prochaine, on va inverser tout ça ». Bon, Einstein en faisait partie, il était assez furieux. Ah bon ? Il y a eu des manifs... Einstein, c'est ça que vous avez dit ? Einstein, le responsable scientifique de New Horizons. Il faisait partie des irréductibles qui n'étaient pas contents du tout. Mais bon, François dit « c'est pas très grave ». Mais quand même, il fallait mettre un peu d'ordre dans tout ça. Encore une fois, en 1800, c'était le même problème. On a commencé à incrémenter. C'est-à-dire qu'il y avait plein de planètes. Tous ces astéroïdes, c'était des planètes. Ah, donc oui. Cérès, Vesta, tout ça. On augmentait, on changeait les livres de classe tous les jours. Enfin, tous les ans, il fallait changer les choses. Bon, et on a mis 50 ans à mettre de l'ordre dans tout ça. Là, ça a été un peu plus rapide. Mais je crois que la situation est plus saine. Alors, c'est vrai que Pluton est étonnant parce que... un système binaire avec 4 petits satellites autour, plus une atmosphère, elle a tout d'une grande, comme on dit, elle a tout d'une planète. Mais il faut un critère, voilà. Donc le critère a été déterminé, et je crois que il n'y a plus de contestation. Ce qu'il faut, c'est que ce critère fonctionne sur la durée. Petit détail, la définition ne s'applique pas aux exoplanètes. Donc il va falloir que l'UAI se penche à nouveau sur la question. Pour rédiger la définition d'une exoplanète. Parce qu'il semblerait qu'il faille rajouter peut-être des petits critères. D'accord. D'autres interventions, monsieur ? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'effet de marée sur Pluton qui aurait pu expliquer la production de chaleur. Mais avec un système binaire Charon-Pluton qui tourne peut-être assez vite autour du barycentre, Est-ce que c'est pas suffisant pour créer quand même quelques frottements à l'intérieur des deux objets? Alors, ce dont on parle, c'est effectivement le fait que quand on est, par exemple, si vous avez la Terre autour de la Lune, par son attraction gravitationnelle, remue un petit peu la Terre, et en particulier les océans. On est tous habitués aux marées gravitationnelles qui agitent les océans. Ça agite un petit peu l'intérieur de Mars, de la Terre aussi. Et puis, donc, c'est cela dont on parle. Alors, il y a eu sûrement ça autrefois. Ce qui peut-être est à l'origine d'une partie de la géologie que l'on voit qui est très ancienne. On aurait pu le préciser d'ailleurs. Peut-être que... Mais une fois que tout est figé, une fois que ces forces de marée ont bloqué les deux corps l'un en face de l'autre, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de variation dans le temps des forces gravitationnelles qui s'exercent localement sur chaque planète. Tout est figé et donc... Quand on fait le bilan physique des forces, bah il y a plus rien. Ça ne bouge plus, plus rien ne bouge. Il y a même plus de libration en l'occurrence puisque tout est figé. Donc voilà la réponse, c'est que les deux sont loqués. Donc l'effet de marée, effectivement, la Lune par exemple, elle produit des frottements à l'intérieur de la Terre, hein, puisque effectivement elle attire, on le voit avec l'eau, hein, et les marées qu'on voit sur l'eau, mais ça se produit effectivement sur tout ce qui est rocheux, et même les forces de marée, les effets de marée peuvent parfois détruire des astéroïdes qui passent à distance, tout simplement à cause de ces frottements, ou des comètes bien sûr. Oui. Dans le cas de Io, par exemple, il est complètement... Io, c'est un... Premier lune... satellite galiléen de Jupiter. Hein, oui, de Jupiter, lune de Jupiter. Découvert par Galilée. C'est le satellite qui est très actif, qui a un effet pompe à vélo, ah oui. Qui est maximum, c'est-à-dire qu'il y a en permanence des volcans qui à cause de l'effet de marée, hein, il y a des volcans. Hein. Mais quand vous regardez, il est phase loquée. Ah oui. Donc en fait, mais quand Jupiter même. Est tellement massif que c'est à cause de l'excentricité, c'est-à-dire que une toute petite variation de l'orbite de Io crée une énorme dissipation de chaleur à l'intérieur de Io, et donc des volcans en permanence. J'ai une question ici de monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour la conférence. J'avais lu, après, bon voilà, je m'intéresse de plus en plus à l'astronomie, mais dans mes lectures, j'avais pu lire qu'une des raisons pour laquelle Pluton avait été aussi déclassé, c'est parce qu'en soi, elle n'avait pas son orbite propre qu'elle croisait, celle de Neptune. Je voulais savoir si c'était vraiment le cas. Et genre une deuxième question après, savoir ce qu'on a pu apprendre sur les différentes lunes qui sont Kerberos, Styx, Hydra et Nix, il me semble. Alors non, c'est pas parce que l'orbite de Pluton croise celle de Neptune qu'elle est déclassée. Non, c'est la définition, c'est le fait que tous les objets dans cette zone au sens large, hein, qui est grande d'ailleurs, hein, l'espace est très grand. Mais là-bas, c'est encore plus grand que chez nous, hein, en termes de périmètre. Bah, toute cette zone, ces objets ne se sont pas agglomérés en un objet unique. C'est ça qui fait que Pluton n'a pas le statut de planète propre, mais de planète naine. La deuxième question, c'était quoi ? C'était Ah oui, les petites lunes. Alors les petites lunes, c'est très étonnant. Elles sont, elles font typiquement entre une dizaine et une cinquantaine de kilomètres. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y en a qui sont très rouges, très sombres, et d'autres qui sont très blanches. Donc elles sont très différentes les unes par rapport aux autres. Et en plus, en termes de dynamique, alors là, c'est un peu du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que chaque lune, sur les quatre, il y en a trois qui tournent. Aucune n'est phase loquée, là, pour le coup. Aucune n'est phase loquée, mais elles tournent toutes dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elles roulent bien sur son orbite. Je ne sais pas si vous allez faire une musique avec ça. Ça va pas être simple. Sauf une, je ne sais plus laquelle, c'est Nix, qui tourne dans l'autre sens. Donc en fait, la dynamique de ces quatre petites lunes est un peu complexe. On pense que ce sont des débris du choc qui a créé Pluton et Charon, et qui fait que ça n'a pas créé uniquement deux objets principaux, mais également quatre petits satellites en plus. Je pourrais ajouter que... Bon, on a quand même vu qu'elles étaient assez brillantes toutes, en fait. Donc elles sont assez riches en glace. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une horlogerie assez fascinante. C'est que les quatre orbites sont très proches. Et quand on fait la dynamique gravitationnelle, les calculs de gravité, on voit qu'elles sont aussi proches qu'elles pourraient être. Elles sont vraiment comme une fine horlogerie avec des résonances précises. Elles passent près les unes des autres, c'est ça ? Alors elles sont en cercle concentrique, elles ont des orbites bien circulaires, ouais. Mais que si on voulait en ajouter une au milieu, ça, elles seraient instables. Ça fiche. Et puis en plus, elles sont toutes en résonance instable, l'une par rapport aux autres. En gros, oui. Il n'y a pas de place en termes de forces gravitationnelles font qu'elles ça deviendrait instable. Et puis comme Francis a mentionné qu'elles ne tournaient pas, elles n'étaient pas loquées, et c'est quelque chose à souligner, tout simplement parce que toutes les lunes dans le système solaire, sauf peut-être, comment s'appelle-t-elle Hyperion autour de Saturne. Toutes les autres lunes, sans exception, sont loquées par ces forces de gravité, ces forces de marée qu'on a évoquées. Donc loquées, c'est, encore une fois, c'est le fait de présenter toujours la même face, comme la Lune avec la Terre. Voilà, parce que, on pourrait raconter la physique, mais c'est pas si simple d'ailleurs, mais en tout cas, c'est très efficace. Et là, on a tout d'un coup quatre exceptions, c'est pas mal. Et donc, ça donne vraiment quelque chose d'assez, un caractère assez atypique. À ce système. Et alors pourquoi elles sont pas loquées c'est pas évident en fait parce qu'elles devraient être. Elles ont été capturées récemment. Exactement. Peut-être capturées ou produites. Enfin, il y a tout un débat. Francis Rocard n'est pas d'accord, mais en tout cas, il faudrait une raison. Et elles sont pas sphériques. Ah non, mais à cette taille-là. On peut les voir d'ailleurs. Vous pouvez voir. Il y a une des planches vers qui montre. Vers la fin, là, vous avez une planche. Ah, bah, c'est la dernière d'ailleurs. On les voit toutes les quatre. Quoi. Alors, il y a quand même un truc. Si vous voulez encore ajouter un petit peu de. On prolonge la question. Elles sont pas sphériques et elles sont même, pour deux d'entre elles, bon, on le voit pas très bien pour Kerberos, mais Hydra, sur l'image là, on le voit bien, mais Kerberos, si je faisais un zoom, vous le verriez mieux. On a l'impression qu'elles sont formées de deux objets plus ou moins patatoïdes sphériques accolés. Exactement, un peu comme Churyumov-Gerasimenko, la comète. Donc ça a l'air un truc, c'est peut-être assez classique. En tout cas, si on arrive à peu près confirmer avec les images qu'on recevra encore, qui sont à venir, que ce sont comme Churi un peu deux objets à coller qui sont collés par le passé, ça nous donne beaucoup d'informations sur leur origine, comment elles se sont formées. Donc à suivre. L'hypothèse de la capture est, il faut pas oublier que. Et ça, moi qui travaille dans le spatial, on en est très, très conscient, c'est que c'est très difficile de capturer. Parce que si vous survolez une planète, votre vitesse à l'infini au début, au moment où vous arrivez, sera la même après le survol par rapport à la planète. Ce qui n'est pas contradictoire avec l'assistance gravitationnelle. Bon. En d'autres termes, vous ne capturez pas. C'est-à-dire, pour capturer, il faut perdre de la vitesse. Et une des techniques pour perdre de la vitesse, c'est l'aérocapture, c'est-à-dire passer dans l'atmosphère de la planète. Et être freiné par le frottement dans l'atmosphère. Ouais. C'est bien, mais les lois de Kepler vous disent qu'après vous allez repasser au même endroit, donc vous allez repasser dans l'atmosphère. Ah oui. Et là c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'à la fin vous allez vous écraser. D'accord. Donc il faut, quand on a étudié l'aérocapture au CNES, il faut un, passer dans l'atmosphère, et deux, à l'apoastre, au plus loin, allumer un petit moteur pour ne pas repasser une deuxième fois. Sinon, ça se passe très mal. Donc, c'est très compliqué de capturer. En fait, il faut trois corps. Avec trois corps, on arrive dans des cas très compliqués. Déjà, le calcul à trois corps, vous savez que c'est très compliqué. On a trois corps, là. On a Pluton, on a Charon et on a la Lune. Peut-être. Mais, enfin, la Lune, oui, qui arrive. Mais il n'y a aucune raison que les quatre soient dans le même plan. Oui. D'accord. Vous ne capturez pas alors, quatre objets alors, oui, dans le même plan. Donc, on a quatre lunes qui sont dans le même plan. Mais tous les cinq sont dans le même plan. Les cinq sont dans le même plan. Donc, ça semble indiquer que l'origine est commune. D'accord. C'est le fameux impact qui a créé Pluton, Charon et quatre débris, en fait. D'accord. Ce sont quatre débris. D'accord. Madame. Est-ce qu'on pourrait penser, du coup, que nous sommes arrivés à la fin de notre système solaire pour que ces petites planètes aient un comportement aussi... peu commun par rapport aux autres planètes. Est-ce qu'on pourrait penser qu'on arrive à la fin de notre système solaire et puis qu'on commence à rencontrer le prochain système solaire où on est encore loin de tout ça? Oui, les échelles sont... Non, on est encore dans la banlieue proche, là. Hein. Oui, on est à 30 fois la distance Terre-Soleil. On trouve des objets jusqu'à... aussi loin qu'on puisse voir, jusqu'à 100 unités astronomiques, etc. Après, ça continue. Et qui font partie de notre système absolument. Solaire. Et comme l'a évoqué Francis, mais on peut le répéter, on tout indique, même si on les voit pas, tout indique qu'il y a des corps jusqu'à quasiment, on va dire comme ça, deux années-lumière, c'est-à-dire à mi-distance entre nous et les étoiles les plus proches, vous savez, Alpha du Centaure, Proxima, etc. Toutes les étoiles qu'on a. Donc en fait, la vraie limite de notre système solaire en termes de corps. C'est plutôt à mi-distance avec l'autre étoile, c'est donc ce fameux nuage de Oort qui contient des milliards d'objets glacée, quand même en orbite autour du Soleil, très lentement. Donc c'est plutôt ça. Donc là, on est très très loin de la limite. Là, on est des milliers de fois plus proche de la limite de la sphère d'influence du Soleil. On en est loin encore. Francis Requin, vous avez dit tout à l'heure que c'était très difficile qu'il y ait une capture naturelle d'un objet. Par contre, je croyais que les Phobos et Deimos, les satellites de Mars, avaient été des objets capturés. Alors, c'est aujourd'hui un grand point d'interrogation. L'origine de Phobos et Deimos, il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse de la capture, mais c'est une hypothèse qui n'est pas du tout évidente. Vous savez que les calculs récents montrent que Phobos va s'écraser dans 10 ou 20 millions d'années. Donc ça pose aussi un autre problème. Non, en fait, l'origine de Phobos et Deimos, c'est une inconnue. Et ça peut être le résultat d'un impact géant sur Mars qui, comme ça s'est fait autour de la Terre, s'est réaggloméré sous forme de deux lunes. L'une s'appelle Phobos, l'autre s'appelle Deimos. L'une se rapproche de Mars et va s'écraser, l'autre s'éloigne. Voilà, en gros, mais on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas des échantillons de Phobos, il y a pas mal de missions en préparation, peut-être en Europe, peut-être au Japon, peut-être en Chine. Enfin, il y a pas mal de pays qui souhaiteraient faire un retour d'échantillon de Phobos parce que c'est beaucoup plus simple qu'un retour d'échantillon de Mars. Et en plus, cerise sur le gâteau, on pourrait avoir des échantillons de Mars sur Phobos. Donc on pourrait faire d'une pierre deux coups. Donc, mais c'est effectivement, et l'un des objectifs, c'est de connaître l'origine de Phobos. Alors on va se quitter dans à peu près un quart d'heure. N'hésitez pas, hein, c'est le moment, si vous avez envie de poser des questions, à le faire. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter avec François Forget et Francis Rocard. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la difficulté de se mettre en orbite ou voire même d'atterrir sur Pluton. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'envisageable parce qu'il me semble que déjà, c'était un satellite assez léger avec une fusée assez puissante. Oui, c'est très difficile pour donner une image. Bon, là, on a fait un tir. La mission New Horizons, le principe de base, c'était de mettre une petite sonde spatiale de 500 kg sur une grosse fusée qui était capable de mettre 20 tonnes en orbite. Donc, ce qu'on a, on a profité de l'énergie pour accélérer. C'est le plus gros lanceur disponible. Absolument. Atlas 5. Voilà. Atlas 551. C'est Atlas 5 dans sa version la plus lourde. Donc, on a accéléré. Donc, on est arrivé très vite. Mais ça met quand même 9 ans et demi. Alors je l'ai dit tout à l'heure, on a survolé, on est passé près de Pluton à la vitesse de 14 km par seconde, et c'est vraiment très rapide. Ça fait 50 000 km/h, je crois. Oui, mais une bonne image, si vous vous souvenez peut-être certains qui ont fait un peu de science, vous savez que la vitesse de libération de la Terre pour partir très loin, c'est 11 km par seconde. C'est-à-dire, et vous savez, tout le monde sait que pour aller très loin, il faut une grosse fusée. Donc, si on avait voulu faire le même changement de vitesse, il aurait fallu que New Horizons arrive avec une grosse fusée de plusieurs dizaines de tonnes pour freiner et se mettre en orbite. Vous voyez que c'était impossible, elle faisait 500 kilos, c'était absolument impossible de freiner pour se mettre en orbite. C'est-à-dire qu'en fait, il faut lancer une fusée dans l'espace qui va pouvoir freiner, hein, tirer à l'envers, si je peux dire, pour pouvoir un jour se mettre en orbite. Voilà, alors en l'occurrence là, en arrivant à 14 km seconde, il aurait fallu une fusée vraiment énorme, un Soyuz ou un truc comme ça. Mais bon, on aurait pu aussi arriver à une vitesse plus réduite. C'est par exemple ce qu'on a fait, si vous réfléchissez, avec la comète, justement, avec Rosetta, qui a rejoint la comète Churyumov-Gerasimenko, qui l'a pas croisée à des très grandes vitesses, comme ça a été le cas auparavant. Mais pour cela, il a fallu faire une orbite compliquée et rejoindre, et ça a pris beaucoup de temps. Donc en l'occurrence, si on va faire la même chose sur Pluton, il va falloir 100 ans. Rejoindre Churi, ouais. Donc 100 ans, ah oui. Bah, pour faire la même chose que Churi, il faut 100 ans pour aller. C'est un ordre de grandeur. Tellement loin, finalement. J'ai pas dit 105,3 ans, mais c'est une centaine d'années, quoi. D'accord. Et donc ça non plus, on n'a pas envie de le faire. Donc, comment se poser sur Pluton ou se mettre en orbite autour de Pluton, c'est quand même un vrai problème et il va falloir trouver des moteurs fusées plus efficaces que ce qu'on a actuellement. Sinon, je vois pas comment on peut faire. Soit il faut être extrêmement patient, soit il faut envoyer au départ un énorme vaisseau spatial. Donc, Francis Rocard, vous êtes le patron au CNES, donc de la principale puissance spatiale européenne. Du monde. européenne. Les Américains n'existent plus. Est-ce qu'on a des idées là est-ce qu'on a des envies d'aller voir Pluton avec des moyens européens? Ou est-ce que c'est inenvisageable? Non, on n'y pense pas. Tout simplement, pour une bonne raison, c'est qu'on n'a pas la technologie nucléaire. Il faut un RTG, qui veut dire radioisotopique thermoélectronique générateur. C'est pas un réacteur nucléaire, c'est une pile. Ça crache 150 watts, entre 100 et 200, je sais plus exactement. Donc en fait, c'est du plutonium. On utilise la chaleur produite par le plutonium. Thermoélectronique, voilà. Pour ceux qui ont fait de la physique de première S. Avec un fil qui est du cuivre, mais l'autre qui n'est pas, qui est un semi-conducteur, et vous en mettez un sur la source chaude, un sur le satellite, et les deux fils sur la batterie, ça charge la batterie. Là, ça, c'est pour avoir de l'énergie à bord. De l'électricité, voilà. Donc ça ne fait pas de propulsion. Parce que les panneaux solaires ne marchent pas parce qu'on est trop loin, quoi. Ben non, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en carré, et on a, en termes de luminosité, un facteur 1000. Donc, faudrait des panneaux mille fois plus grands que sur Terre. Voilà, faudrait des panneaux plus de mille fois plus grands que Ceci sur dit, Terre. On arrive maintenant, et Juno, qui est une mission américaine, va arriver cet été en orbite autour de Jupiter. Première mission à Jupiter avec des panneaux solaires. Ah oui. Le record est battu. On n'est jamais allé aussi loin avec des panneaux solaires parce que les panneaux solaires ont fait des progrès et parce que c'est une petite sonde stabilisée par spin. Et avec quand même des grands panneaux solaires. D'accord. Mais c'est inimaginable au niveau de Pluton, même pas, à mon avis, au niveau de Saturne. Donc, il faut la technologie nucléaire. Mais non, François l'a bien résumé. Pour un orbiteur, c'est pratiquement une centaine d'années parce qu'il faut emmener les ergols pour se mettre en orbite. Les ergols, c'est-à-dire le carburant. Pour les orbites, ouais. Donc, et l'hypothèse qu'il a soulevée d'emmener une fusée de type Atlas, là, évidemment, ne tient pas la route, donc il faut arriver très lentement. Ouais. Donc on met une centaine d'années. Donc ça prend. En d'autres termes, j'ai peur qu'on ne retourne pas à Pluton de sitôt. De sitôt, d'accord. Bon. On a d'autres projets, hein, vous inquiétez pas. Oui, notamment Uranus. Bien. Notamment Uranus, parce que Uranus ouais. Y a Uranus et Neptune, mais vous savez qu'on a fait qu'un survol d'Uranus avec Voyager 2. Et alors qu'on a bien étudié Jupiter, bien étudié Saturne avec Cassini, maintenant, il y a une certaine logique dans les 20 ans qui viennent de faire un orbiteur d'Uranus avec peut-être un engin qui se pose sur... Ah ouais, carrément. On verra. Ouais. Ah, pas mal. J'ai une petite question sur les futurs télescopes. Comment verra-t-on Pluton avec ces futurs télescopes? Quelques pixels ou un peu plus? Et pour les autres objets transneptuniens, jusqu'à quelle distance pourrait-on envisager de les voir de les distinguer? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que vous permettez que je vous interrompe, François Forget? Je voudrais qu'on regarde la deuxième image qui vous est présentée là dans le petit livret. C'est cette image-là, ça s'appelle Pluton avant 2015. Pluton avant 2015. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image, François Forget? Alors, c'est effectivement le système Pluton-Charon vu par le Hubble Space Telescope. C'est à peu près la meilleure image qu'on peut avoir depuis la Terre ou depuis le voisinage de la Terre. Et l'image non traitée est vraiment, vous voyez, un peu pauvre. Il y a quelques pixels. Alors, évidemment, les astronomes... Donc, avant 2015, c'est de ça qu'on disposait, du point de vue optique. On pouvait améliorer, raffiner un peu l'image, mais brut, c'était ça qu'on avait. Brut, c'était ça. En raffinant, on arrivait à des choses pas si mal. Et on s'en rend compte maintenant. On se rend compte que les systèmes de traitement d'image, vous imaginez, on prend les pixels, puis on cumule avec des méthodes statistiques les différents pixels. On arrivait à faire une carte de Pluton. Et maintenant qu'on a les images réelles, on se rend compte que c'était pas très mauvais. Finalement, c'était pas la peine d'y aller, quoi. Non, c'était pas mauvais à l'échelle de 200 km, quoi, ou 400 km. Évidemment, maintenant, on a des détails de 40 mètres. Ça n'a rien à voir. Et puis, on avait même utilisé, pour les amateurs d'astronomie, une méthode assez formidable au début des années 90. Il se trouvait qu'à ce moment-là, on a vu le système Pluton-Charon par la tranche. Donc, pendant plusieurs mois, Charon passait devant Pluton. Tout ça a été parfaitement modélisé et on pouvait mesurer la courbe de lumière. Et donc, comme on savait où était Pluton, où était Charon, on voyait la courbe de lumière se baisser, etc. On a pu faire, vous imaginez, on a des informations, c'est une espèce d'énorme équation à n inconnue, etc. On a tout résolu et on a fait une carte de Pluton. Et bien, cette carte de Pluton, elle est très très bonne. Elle représente pas mal ce qu'on a vu, même si la saison a changé. Donc c'est très amusant dans l'histoire de l'astronomie. Et alors c'est là où je vais répondre à la question. On a des télescopes qui font aujourd'hui 10 mètres de diamètre hein, sur Terre. On va vers des télescopes de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'on verra mieux Pluton? Alors c'est vraiment une bonne question parce que finalement ça nous donne l'occasion de parler de comment on explore une planète à de telles distances. Alors oui, on peut faire des images, mais faut reconnaître qu'on voit pas grand-chose. Avec le James Webb Space Telescope, bien sûr, on aura une résolution peut-être 10 fois supérieure, mais ce ne sera pas formidable quand même. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va vraiment suivre et continuer à étudier Pluton. On va utiliser d'autres méthodes qu'on avait déjà utilisées avant de venir. On avait déjà appris pas mal de choses. Les méthodes, bien sûr, c'est d'abord ce qu'on appelle la spectroscopie. Donc on fait des spectres, on regarde finement les couleurs de Pluton et en la voyant tourner, etc., on peut remonter et cartographier, en tout cas quantifier la répartition des glaces à la surface, parce qu'elles ont des signatures spectrales très spécifiques. On a un spécialiste d'ailleurs de ça en France, c'est Bernard Schmitt à Grenoble. Et donc on peut comme ça évaluer la répartition entre les glaces d'azote, de méthane, on a parlé tout à l'heure. On peut aussi faire la même chose dans l'atmosphère. On peut essayer de remonter à la quantité de différents gaz dans l'atmosphère parce que, alors, on n'arrive pas à résoudre, on ne peut pas cartographier Pluton, mais on peut avoir une très bonne information sur qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère grâce à ces spectres. Et on le fera d'autant mieux avec un gros télescope. Les meilleures mesures qui ont été faites, par exemple, sur la composition de l'atmosphère, ont été faites avec le Very Large Telescope au Chili, qui fait 8 mètres, et par notre collègue Emmanuel Lelouch, qui est vraiment la référence à l'Observatoire de Meudon. Et voilà, on utilise un télescope de 8 mètres. Donc c'est à ça que ça sert plus. On profite de la grosse taille du télescope pour avoir plus de lumière, de photons, plutôt que de résoudre le Pluton. Et puis enfin, on va continuer à l'observer avec une méthode assez astucieuse qui a vraiment nous a beaucoup donné d'informations sur Pluton, en fait, avant même que New Horizons arrive. C'est on profite du fait que de temps en temps, Pluton, vu depuis la Terre, passe devant une étoile. En réalité, c'est la Terre qui bouge le plus vite, donc bref, le tout se retrouve aligné. Et quand elle passe devant une étoile, l'étoile se couche derrière Pluton, puis se relève, et ce faisant, elle passe dans l'atmosphère. Donc on mesure la courbe de lumière, on voit l'étoile qui disparaît, qui est cachée, puis qui réapparaît. Et la vitesse à laquelle elle disparaît, les petites oscillations de lumière qui se passent, c'est la signature de l'atmosphère de Pluton. Et en faisant cela, donc ce qu'on appelle les occultations stellaires, on a pu prédire avec une grande précision les propriétés de l'atmosphère de Pluton. Et New Horizons a plutôt confirmé, en tout cas pour la basse atmosphère, ce qui avait été observé. Et on va continuer à faire cela. Juste ce qui est dommage, c'est que j'ai pas l'image avec moi, mais comment on a fait pour découvrir Nix, Hydra, Kerberos et autres? Vous prenez une image de Pluton-Charon avec le Hubble Space Telescope, en gros, vous avez ça. Donc, ça ne va pas du tout. Et qu'est-ce qui a été fait? En fait, vous prenez deux images successives et vous faites la soustraction l'une par l'autre. Le gros intérêt, c'est que tout le signal se soustrait bien, sauf ce qui a bougé. Et ce qui a bougé, c'est Nix qui a un peu tourné. Et par la soustraction, vous augmentez par un facteur 1000 la sensibilité de la mesure. Et ensuite, vous regardez les points qui apparaissent en blanc sur la soustraction. Et vous vérifiez que ces points suivent les lois de Kepler. C'est-à-dire qu'ils tournent bien autour de Pluton. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les quatre. Ça a été compliqué, parce qu'en 2005, on a trouvé deux. Et en 2012, les deux autres. Donc ça ne s'est pas fait facilement. Une dernière intervention, peut-être? Ah ben voilà. Oui, donc une petite question pour terminer. Donc le programme New Horizon, est-ce qu'il arrive à terme suite au renvoi de toutes les images en septembre prochain, ou est-ce qu'il continue sur d'autres nouvelles frontières? On a déjà parlé un peu tout à l'heure, donc au mois d'octobre, on a rallumé les moteurs pour rediriger la sonde vers un objet qui n'a pas encore de nom. On va faire un concours, donc participer pour nommer l'objet qui s'appelle UA, je ne sais plus combien maintenant. 2014. Voilà. 2014 MU69. Et donc ce sera survolé donc le 1er janvier 2019. Pour l'anecdote, parce qu'on est bavard et puis c'était très intéressant à suivre depuis l'équipe New Horizons parce qu'en fait il y avait différents chercheurs, en particulier quelqu'un qui s'appelle John Spencer, qui était en charge de trouver un objet accessible par New Horizons. Pour cela, il a eu accès à des énormes télescopes au Chili, les systèmes Gemini, etc. Impossible de trouver un objet qui serait dans le cône, qui serait possible, accessible à New Horizons au bout de quelques années après le survol de Pluton. Et donc, en juin 2014, c'était un peu la panique. parce qu'on savait pas trop comment réorienter New Horizons, que faire. À ce moment-là, il y a une demande officielle de l'équipe New Horizons. Il a été dit, bon, il faut qu'on utilise, il faut qu'on trouve un objet. Donc c'était quand même un problème interne à la NASA, on va utiliser Hubble. Donc on a été demandé des centaines et des centaines d'heures sur Hubble, ce qui était absolument atypique. Et heureusement, au bout de quelques mois d'observation, enfin quelques centaines d'heures donc, d'observation, on a pu trouver deux objets et on a choisi celui-ci au mois d'août dernier. Et l'anecdote dans l'anecdote, la manière dont la NASA a fonctionné, elle a dit très bien, on va d'abord vous donner une vingtaine d'heures d'observation, et pendant ces 20 heures, vous devez démontrer que vous êtes capable de trouver des nouveaux objets, même s'ils ne sont pas accessibles à New Horizons. Si vous y arrivez, à telle date, vous aurez le droit à 180 heures supplémentaires. Ça a été l'enfer pour les astronomes, parce qu'il fallait, ils n'ont pas dormi, il fallait qu'ils trouvent. Et heureusement, ils ont trouvé, les heures ont été données. Donc c'était marrant, voilà, je vous le raconte de l'intérieur, c'était assez amusant à vivre. Surtout que donc John Spencer, qui est en charge de ça, est quelqu'un de très très sympathique et adorable, qui raconte ça. Enfin, c'était une histoire marrante. Et donc, bonne nouvelle, on a trouvé les objets. Et il ne reste plus qu'à le nommer et à le survoler. Oui, et ce qu'a pas dit François, c'est que le Delta V, c'est-à-dire l'utilisation des moteurs pour aller faire ce survol, c'est pas grand-chose, c'est 57 mètres par seconde. Bon, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup d'ergol dans le New Horizon. Hein. C'est un piano tire de queue, hein, c'est à peu près ça. C'est un petit 500 kilos en masse, un petit 500 kilos. Il y a très peu de réservoirs, donc... Mais voilà, donc tout se passe bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Peut-être qu'il y en aura un deuxième, on en parle, mais non, tu dis non, ok, il n'y en aura pas de deuxième, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait ce qui s'est passé sur d'autres missions, ça s'appelle les Voyager, les Pionniers. Donc la NASA va laisser ses missions en veille, mais ne va pas les arrêter définitivement. Et donc, il y aura toute cette idée de détecter la limite du système solaire, comme Voyager 1 l'a fait. D'ailleurs, c'est une troisième frontière hein, pour la personne qui parlait de limite tout à l'heure. Là, c'est une frontière qui est extrêmement proche. On est une centaine d'unités astronomiques. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une frontière, il y en a trois. Et là, je parle de la frontière entre l'influence du vent solaire et du vent stellaire qui vient du milieu interstellaire. On pourrait penser qu'il y a une frontière simple. Non, elle est triple. Et Voyager 1 a franchi que la première. C'est-à-dire, ayant franchi... Et en plus, cette frontière bouge, donc de temps en temps, Voyager 1 est rattrapé par la frontière. Et la frontière est dépassée, ça veut dire que le milieu dans lequel il est n'est pas totalement interstellaire, mais il est déjà influencé par le milieu interstellaire. Et malheureusement, comme on va perdre Voyager 1 vers 2025, il est absolument exclu que Voyager 1 quitte totalement... passe la troisième frontière, qui est beaucoup, beaucoup plus loin, qui doit, je ne sais plus combien d'unités astronomiques, 200. Et bon, c'est dommage parce que c'est le seul objet qui, aujourd'hui, a la possibilité, mais New Horizons le fera également, de faire des mesures in situ dans le milieu interstellaire. Et ça, c'est donc l'extended mission de ces missions-là. Avant de finir ses peines à la bolognaise, Francis Rocard a eu un bon mot tout neuf. Très décontracté et surtout très à l'aise, il a dit 2014 MU69. C'était un beau mot, c'est vrai. C'est pas qu'une année érotique, bon. Alors, je veux vous rappeler d'abord que les Mardis de l'espace sont organisés par le CNES, l'Agence française de l'espace, avec l'association Barre des sciences Paris, et qu'on va se retrouver. On va se retrouver encore pas mal de fois cette année. La prochaine fois, c'est le 16 février, mardi 16 février. On va parler de LISA Pathfinder, une mission absolument passionnante qui est là pour en préparer une autre, qui s'appellera LISA, tout simplement. Et l'idée, c'est peut-être de découvrir ou d'étudier ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Des ondes gravitationnelles qui ont été prédites par Albert Einstein, la théorie de la relativité, des ondes gravitationnelles absolument passionnantes qui sont produites à l'occasion des événements cosmologiques les plus puissants comme des collisions de trous noirs par exemple. Bref, LISA Pathfinder, on va donc en parler le mardi 16 février. On se retrouvera aussi par exemple en avril et pour parler de la planète Mars. Et on retrouvera d'ailleurs Francis Rocard à cette occasion, parce qu'il y a énormément de missions martiennes qui sont en préparation, ExoMars 2016, ExoMars 2018, Mars 2020, InSight, on a Maven qui est en train de tourner, qui vient d'arriver, qui étudie l'atmosphère. Bref, encore beaucoup, beaucoup de belles et bonnes sciences qui est en train de se préparer. Bon, je crois que tout le monde l'a compris. On a eu un survol absolument passionnant là avec New Horizons. Tout s'est joué à la fois en 9 années et en quelques heures. Des choses absolument étonnantes ont été découvertes. Ce cœur, enfin cette moitié de cœur, des zones sombres, des glaciers d'azote. Enfin bref, des glaciers de glace plutôt sur des mers d'azote. Enfin bref, tout ça a été absolument passionnant. Le meilleur est peut-être encore à venir. Des images sont en train d'arriver encore. Mais en tout cas, celle qu'on a et le petit livret que vous avez, il faut en profiter parce que on n'aura probablement pas des images de cette résolution avant longtemps. Si on a pu en parler ce soir, si on les a ce soir, c'est grâce à des scientifiques. On en avait deux ce soir avec nous. Merci infiniment, Francis Rocard et François Forget. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.